Melissa. Melissa. Bonjour. Bonjour. Eh bien, salut. Ça va? Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Assieds-toi. Raconte-moi comment était ta nuit. Tu sais que j'ai encore dormi très tard aujourd'hui. Ben, c'est vrai que le sommeil m'a emporté une fois. Mm-hmm. J'ai bien dormi. Même les rêves que je faisais souvent, mm-hmm. j'ai très bien dormi. Amen. Il y avait même un petit rêve que la tête se balade comme ça. Non? Tu as toi dormi tranquillement. Oui, tranquillement. J'ai bien dormi. Il veut que tu écoutes un peu ceci, mets play et puis tu écoutes et je demande tes impressions. Mais en plus de ces gens-là, ce sont les gens qu'Ali Bongo avec Ali Bongo touche. Ali Bongo lui-même touche avec tout ce monde. Mmh. Ali Bongo est un homosexuel. Je vous l'ai déjà dit, il ne sait pas au Gabon. Mais c'est mon homosexualité qu'on critique. Commencez à critiquer l'homosexualité d'Ali Bongo. Voilà. Commencez à critiquer, parler. Vous avez un président de la République qui est homosexuel, mais pas homosexuel comme moi. Moi, je couche avec un homme parce que je prends plaisir. Je couche avec une femme parce que je prends du plaisir. Mais Alain Bongo et toute sa bande couchent avec des hommes et des femmes dans le maraboutage parce qu'ils prennent leur chance. Attention, il y a une nuance entre mon homosexualité à moi et celui du membre et celui de la présidente de la République gabonaise. Ils couchent avec, vous savez qu'il y a des femmes au Gabon et des hommes au Gabon, à ces gens-là ont couché, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation, dans des situations abominables. Parce qu'ils prennent les chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas possible ça. Ils prennent les chances des jeunes garçons et des jeunes filles. C'est pas... Et je ne suis pas là pour parler de l'homosexualité, mais comme je le disais, qu'ils soient homosexuels, hétéros, cela n'engage pas tout un chacun. C'est nous tous nous irons devant le bon Dieu, chacun aura son jugement. Mais quand on pratique l'homosexualité et faire du chantage, non seulement faire du chantage aux jeunes hommes, et on prend leur chance, parce qu'ils poussent avec des jeunes hommes en utilisant le serpent. Marie Akenenge, quand je vous parle de Marie Akenenge, c'est Mexan Akombesi qui emmène le système du serpent. Il donne ça aux filles pour mettre dans leur vagin, pour attirer des hommes et prendre des chances. Et les tuer. Qu'est-ce que je ne connais pas de la présence de la République gabonaise? Toutes les filles métisses que vous voyez à Libreville, regardez au Gabon. Il n'y a que des jeunes filles qui ont dans les voitures. Hein, et des jeunes garçons, depuis qu'Ali a pris le pouvoir. Parce que ce sont les pédés d'Ali. Les pauvres jeunes hommes donnent leur corps. Ils se sacrifient. Mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu leurs âmes aux démons. Et ce système de fétiche, c'est à fond. Parler maintenant d'autre chose. Vous vous rappelez ce message adressé d'abord aux Congolais, Edith Lucie, née de Sassou Nguesso. Vous vous rappelez que cette femme, elle est partie, elle n'est plus de se monter à son âme. On a toujours dit qu'Edith est morte, on accuse, on dit le sida. On dit qu'elle est morte parce qu'elle avait vu le génie de Bongo au palais. Eh bien non, c'est faux. Vous savez qui a tué Edith Lucie Bongo? Eh bien, c'est Mexan Akombesi à Liben Bongo. Ah, ça, je vous le dis aujourd'hui. Attention, hein. Et je demande à la famille Nguesso, s'ils veulent, eh bien, ils n'ont qu'à m'appeler, ils n'ont qu'à me contacter, ça c'est clair et net. Parce que Mexan Akombesi, Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo, ont voulu s'accaparer du pouvoir. Je vais vous dire quelque chose, hein. Ça va vous réveiller tout de suite, parce que le Gabonais, mon Dieu, c'est pas possible ça. Ali Bongo Ondimba, Mexan Akombesi, Frédéric Bongo, ont voulu arracher le pouvoir à leur père, mais comme Edith les gênait, Edith les dérangeait. Je vais vous le dire, parce que quand Edith est tombée malade, moi je sais ce qu'eux-mêmes ils m'ont dit, parce que je ne parle pas là pour parler. Hein. Je connais les plans que ces gens-là avaient et qu'ils ont eus. Ils ont tué Edith. Ils l'ont transformée en momie. Et 10 personnes ne savent la maladie qu'elle avait. Pourquoi? Ils l'ont rendue comme vous l'appelez, que vous l'avez vu. C'est la même chose qu'ils ont tendu à Mbaba, non? C'est la même chose, hein. Écoute, regardez bien, c'est la même chose. Et ce sont eux qui l'ont rendu, c'est un fétiche qui détient au Bénin, la famille d'Akombesi. La famille d'Akombesi détient ce fétiche au Bénin. Ce sont eux qui ont rendu Edith telle qu'elle est partie. Et on a accusé Sassou Nguesso en disant que Sassou Nguesso aurait vendu sa fille à Bongo, mais non. Sassou Nguesso n'a rien à y voir là-dedans. C'est Mexan Akombesi qui a transformé la pauvre femme, une belle femme telle qu'elle était Edith. Attention, hein, c'est pas madame, parce qu'il y a même un truc, il y a même quelque chose. Au Gabon, vous voyez que parfois il n'y a plus de couches au Gabon. Ah sortie. Au Gabon, il n'y a plus de couche. Les enfants, papa, nous sommes en rupture de couche au Gabon. Souvent, il y a une rupture de couche au Gabon. Un B fait partie des amants d'Ali Bongo, Blaise Louembe. Je le précise. Étienne Massard, parmi les amants d'Ali Bongo Ondimba. Étienne Massard, quelle honte! Étienne Massard, le fils de M. Massard, père à son âme du défunt Massard. Et cet Étienne Massard, sa grande soeur Denise Massard, a eu un enfant avec le défunt Bongo. C'est le fameux Boubouche, le jeune Boubouche, que j'aime bien ce garçon, c'est mon fils. Omar, le petit Omar. Moi, je ne veux pas prononcer Omar le nom de Satan. Je n'en veux pas. Donc, Hervé Opianga, ça, pas de problème. Jean-Pierre Ojiba, les amants d'Ali Bongo Ondimba. Jean-Pierre Ojiba, en plus, il est marié à une amie à moi, Nadine, sa femme. Nadine, si tu m'entends, la manière dont ton mari te trompe, les bêtises qu'il fait dehors. Nadine, si tu m'écoutes, Nadine Diop, les microbes que vos maris vous apportent dans les maisons, qui se font enculer par Ali Bongo, qui encule Ali Bongo. Et c'est pour ça que vous les voyez, Jean-Pierre Ojiba, je vous donne ça, les noms, en tout cas que ces gens-là viennent m'attaquer. Le jeune Jean-Christophe Duchâteau, que j'avais dénoncé la dernière fois, qui m'avait appelé me dire, machin, voilà les femmes de la présidence de la République. Mehdi, le Libanais, là, qui est le propriétaire de l'automobile, l'automobile luxurie, voilà les amants de la présidence, les femmes, les maris de la présidence. Frédéric Bongo, avec Ali Bongo, eux-mêmes, Mexan à Combessi, autant qu'ils sont les partouzes. Ali, c'est pas pour rien que vous le voyez avec Frédéric, hein. C'est normal, il est beau Frédéric. C'est un beau que je le connais, hein, quand même. Hein. C'était mon petit chouchou. Hein. Donc, voilà. Donc, Youssouf Bongo Ondimba. Youssouf, c'est un enfant que Bongo a eu avec une Mauricienne. Youssouf Bongo, des partouzes avec la présidente de la République, avec son propre frère, Ali, que dans des fétiches, parce que Ali, pour attirer tout ce monde, qu'est-ce qu'il fait? C'est Mexan qui lui a enseigné ça, pour attirer tous ses frères et sœurs. Eh bien, ils sont obligés de passer à la casserole, parce qu'ils veulent l'argent. La banque est décédée, donc Bongo n'est plus là. Donc il a récupéré certains, même avant que Bongo décède, il couchait déjà avec eux. Donc Frédéric, Youssouf Bongo, les deux petits frères d'Ali Bongo, avec Ali Bongo. Moi-même, je le sais. Je le sais. Et dans le football, les trois quarts des métis gabonais qui jouent au football, mais je ne veux pas dire les noms, je les protège. Je protège tous ces jeunes. Parce que on m'a envoyé un mail à la présidence. Les proches d'Ali lui-même, avec qui il couche, ils en ont marre. Ils m'ont donné les noms. Des footballeurs qui couchent avec Ali. Ah oui! J'ai le mail reçu, j'ai les noms, mais je vous pardonne ces jeunes-là. Mais faites attention, vous êtes déjà des footballeurs, vous gagnez beaucoup d'argent. Pourquoi aller donner vos... Pourquoi aller donner vos corps? Allez vendre vos âmes au diable. C'est clair et net. Hervé Opianga, Ali Bongo Ondimba, des couches. Voilà. Bonjour encore, Mélissa. Bonjour. Et ça, j'étais pris à chaud là. Oui. Tu vois que tu n'es pas simple. Nous avons fait ton témoignage hier. Tu t'es bien reposé. Tu vois que tu n'es pas seul dans ces cas là. Quand j'écoutais cet extrait là, ça me marque. Une chose qui me marque, c'est le fait que c'est cet homme, je ne sais pas si on va l'appeler homme ou femme. Non. Femme, oui. C'est une femme ou c'est un homme alors? Je ne sais pas moi-même. Ok. Le fait qu'il ait dit, ce qu'il disait, il dépose leurs serpents dans le ventre des jeunes filles. Oui. Il prend, non seulement il prend les chances, il fait noter la scène que si ces filles-là couchent avec des garçons, qu'est-ce que ça te donne comme impression? Bon. L'impression que. Bon. C'est vrai que moi-même, je n'ai pas vécu ça. Mm-hmm. Donc. Il dit par faisant suite des témoignages de ta. Comme ce qu'on a eu, son témoignage que tu as donné. Oui. Le but pour lequel ton père te harcèle. Oui. Et ta petite soeur qui se trouve maintenant avec le serpent dans le ventre. Et hier, tu te souviens, j'ai dit, sans le savoir, que si quelqu'un couche avec une de ces filles-là maintenant, tout va aller mal. Et tu as donné le témoignage d'un de ces garçons qui t'a dit que. Tout va mal depuis tout. Qu'il a connu ma soeur. Oui. Et quand il a dit, justement, en revenant de lui, à lui, quand il a dit tout va mal lorsqu'il connaît ta soeur, est-ce que tu savais de quoi il est question? Bon, c'est vrai que quand il m'a dit ça, moi je savais déjà. Mais je n'ai pas voulu dire au gars que bon, tout va mal parce que ma soeur est comme ça, comme ça, comme ça, non. Tu es resté tranquille? Oui, je suis resté tranquille. Tout ce que je lui ai dit, c'est que bon, tu dis que tu pars à l'église et tu pries, donc continue à prier. Et si tu peux te séparer de Onila, fais-le. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, non, c'est ma soeur, mais comme tu dis que ça ne va pas, si tu peux te séparer d'elle, fais-le. Tu ne peux pas dire autrement? Non, je ne pouvais pas. Oui. Maintenant, il y a encore entendu ce que ces garçons, oui, ces garçons, ces filles homosexuelles se disent. Il le dit, oh, il faut en clamant qu'il est homosexuel, il prend du plaisir. Oui. Mais il dit, il a de dénoncer certaines personnes qui sont dans la même pratique que lui en disant que ceux-là font, ils déposent le serpent. Le serpent, oui. Donc tu comprends le pourquoi ton père veut déposer le serpent dans ton corps. Oui, je comprends. Je comprends. Parce que moi, avant, je me disais que bon, peut-être c'est pour garder. Comme on est là, parce que moi dans ma tête, je me disais que on est la garde. Mais même si c'est pour garder seulement. Est-ce qu'un être humain doit être le lieu de résidence des serpents? Non. Un être humain ne doit même pas être. On est la tête, tu as déjà parlé des visions, des choses qu'elle rêve. Non, elle me dit que bon. Avant que je ne sache qu'elle avait ça, oui. Elle me disait souvent que. Parfois quand je me plains que on est là, j'ai fait un rêve. Le serpent est venu dans ma chambre, le serpent a voulu. Elle me dit, ah, c'est aujourd'hui que toi tu commences à rêver ça. Moi, le serpent vient souvent, ça dort avec mon cause. Je dis, vous causez comment? Dormir physiquement sur son lit? Oui, dormir physiquement, elle est couchée. Donc, le serpent aussi est couché. Oui. Et si vous causez comment? Elle me dit, ah, on cause non. Elle me dit, non, il faut que tu saches que je suis ton père, il ne te veut pas. C'est, et bon, s'il fait ça, c'est pas. Oui, c'est pas pour te faire du mal. C'est parce que d'une part, il veut aussi ton bien. Oui, des trucs comme ça. Est-ce que le serpent est un bon animal? Non. Et comment quelqu'un t'a dit peut dormir avec le serpent dans un même lieu, elle cause avec le serpent et ça ne lui fait pas de. Lui dire que elle n'a pas de retenue. Là, je ne sais pas. Et hier, j'ai même aussi oublié. Oui. Il y a une période, je dormais dans sa chambre parce qu'à un moment, j'ai fui ma chambre. Dans la chambre de René, là. Oui, et là, on a vous dormez à deux. Oui. Oui. Le soir, là, elle est sortie. Mm-hmm. Donc, je suis restée à la maison. Oui. Et le jour, là, bon, je dormais. Comme j'aime souvent dormir dans le noir. Oui. J'ai suivi comment quelqu'un ouvrait la porte. Oui. La personne est venue. Quand quelqu'un vient s'asseoir sur le matelas, tu ressens comment le matelas, ça s'appuie. Ça s'appuie. Donc la personne s'est couchée. C'est quand la personne se couche que j'allume quelqu'un. On est là. Il n'y avait personne. Mais tu as ressenti comment elle s'est assise. Oui, comment la personne s'est assise. La personne s'est couchée sur le lit. Oui. Oui, le jour là, je suis sortie. Je n'ai plus dormi dans sa chambre. Je suis repartie dans ma chambre. Et tu n'as rien dit ça. Non. Je n'ai jamais dit on est là. Et tu n'as vu personne. Je n'ai vu personne. Et la porte était ouverte. La porte de la chambre n'était pas fermée à clé. Je ne sais pas qui est ouvert, mais quand je dormais, j'ai fermé à clé. Mais quand je sortais, quand je rentrais derrière ma chambre, ce n'était plus fermé à clé. Mais je n'ai pas prêté attention, je suis sortie. Donc quand tu es entré pour te coucher, tu avais fermé à clé. Mais quand tu as vu ça, quand tu as vu la porte ouverte, quand je voulais sortir pour fuir, c'est que j'ai fui sur le lit. Quand j'ouvre, ce n'était plus fermé. Bon, moi, ça n'a pas attiré mon attention, je suis partie. Avec le réflexe, avec le recul, tu penses que c'était quoi? Je me dis que c'était l'esprit de mon père. Et en dehors de ça, quelles sont les choses, puisque tu dis que c'est quelque chose que tu as oublié, quelles sont les choses que tu te souviens encore en temps, maintenant comme je t'ai reposé? En temps, permets-moi de lire ce verset, c'est un passage de la Bible que tu vois, d'accord? Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16, écoute très attentivement. Actes chapitre 16, je vais lire à partir du verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait... Bon, je saute ça rapidement. Il veut verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante. Tu viens de le voir, n'est-ce pas? Il dit, comme verset 16 du chapitre 16 des Actes des Apôtres, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Tu as vu? Oui. Vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Donc la femme parlait, mais c'était un python qui à l'intérieur qui parlait. Mmh. Et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce que c'est normal que le serpent habite un être humain? Tu vois que, tu vois, donc, hier, j'étais en train de dire en lisant, j'ai lu le Deutéronome 18 hier, on nous avons lu à partir du verset 11, où Dieu disait qu'il ne faut pas qu'il y ait ces choses-là dans notre pays. Et j'ai dit que les choses que nous faisons, nous voyons aujourd'hui, toutes ces choses que tu vois, on dénonce là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont anciennes. Mais dans d'autres siècles, c'était quand même camouflé, mais maintenant, c'est vulgaire. Voilà, et le mot, c'est ce qui se met là-bas, il dit qu'il prend le plaisir. Maintenant, ici, la Bible nous dit que c'est une servante qui avait un esprit de python. En divinant, donc il donnait la divination pour voir quelqu'un dire quelque chose sur son avenir, sur sa vie et autres et autres. Il dit qu'elle procurait un grand gain à ses maîtres. Donc cette femme-ci avait le maître qui avait déposé cette python-là pour qu'elle fasse comme ça l'argent entre chez eux. Et Yetcha a dit que ton père a dit, si tu es bien, s'il est bien, vous êtes bien. Et il dit que l'argent que vous mangez chaque fois, c'est ça que c'est on lui a donné les conditions pour cela. Pour alors la question c'est, quels sont ceux qui lui ont donné ces conditions? Tu vois que c'est une question à poser, n'est-ce pas? Et quel est le but de cette personne-là? Oui. Quel est le résultat sur toi qui va porter le serpent? Tu vas prendre la nourriture, quoi, l'argent, acheter les fringues, les habits, autres là-bas, les bons parfums. Parlons du parfum. T'as-t-il d'ailleurs offert des parfums lors de ce voyage? Oui, il nous ramenait toujours les parfums. Qu'est-ce que tu en dis de ce que je viens de dire maintenant directement? Dépassé. Courage, d'accord. Tu penses que quel était le but de ce parfum? Tu vois que ça avait une senteur spéciale. Bon, comme c'était les parfums de luxe, les Nina Ricci, les ceci, moi je me disais que non, ce sont les grands parfums, c'est pour ça que ça sent bon. C'est ce que tu voyais. C'est ce que tu tenais dans tes mains. Et regarde avec les formes de bouteilles bizarres. Oui. Alors, quel est le but pour lequel il ouvre ça, celle-là? C'est, souviens-toi que tu es sa princesse. Courage, d'accord? Oui. Bon, mais à un moment, il m'offrait plus ça. On offre seulement à Onéla. À Onéla, justement. Oui, j'ai compris que c'est parce que Onéla est vraiment sa princesse Moutou. C'est que c'est Onéla qui est. Et parfois, à un moment, je jalousais un peu Onéla, mais... D'accord, parfois, on prenait soin d'elle. Oui. Mais un esprit, donc il y avait toujours un esprit à moi qui me disait, mais lui, ça ne cède pas, même si c'est quoi, bon. Il te donne... Malgré que tu disais ce matériel. Le peu qu'il te donne, tu peux, toi-même, tu peux t'offrir. Oui, mais c'est vrai que c'est pas la même chose parce que lui, il dépense plus sur Onéla. Et quand on dépense sur Onéla comme ça, étant ta soeur, comme il partait au travail, est-ce qu'elle ne te donnait pas quelque chose en retour? Non. Tu lui avais quand même demandé souvent. Bon, c'est vrai que tout ce que j'ai demandé à Onéla, c'était l'argent. Elle t'a donné? Oui. Le jour qu'elle est de bonne humeur ou d'autre. Elle ne te disait pas qu'elle va travailler ta part aussi? Non, elle ne me disait rien. Elle ne me disait pas ça. Le jour qu'elle était de bonne humeur, elle me donnait. Oui. Elle ne me disait pas ça. Mais il y a un moment, elle aussi, elle a commencé à me visser, elle ne me donnait plus. Elle dit qu'elle va travailler, qu'elle travaille à la sueur de mon front. Bon, et quelles sont les autres choses que tu as dû oublier hier de nous préciser dans le thème qui pourraient être utiles aux gens et qui maintenant tu peux rappeler, tu t'es rappelé quelque chose encore, des actions que tu as vécues parce que c'est quand même presque 10 ans que tu as passé comme ça dans cette affaire. Quelles sont les choses, autres choses encore? Un jour. Oui. Dans le jour-là, il m'a appelé. Et le jour-là, j'ai dit, bon, si je fais ça maintenant avec toi et mon mari, il m'a dit... Donc vous avez eu une rencontre, vous avez encore causé. Oui. Raconte-nous. Et mon mari m'a dit non. Là, vous étiez où? Là, on était, bon, je peux dire au salon de sa chambre, parce qu'il y a le salon. Sa chambre est vraiment vaste, il y a une petite chambre. Oui. Le jour-là, il m'a dit, pour ton mariage, ne t'en fais pas. Tu n'es pas sûr que tu vas te marier. Parce que mes tantes, d'abord, c'est les grandes sœurs, ses sœurs. Oui. Et ses petites sœurs, personne ne s'est marié. Déjà même, parlant de ces temps de haut là-bas, qui la côtoie, qui le côtoie, mm-hmm. est-ce que tu as l'impression que les gens connaissent qui il est vraiment? Oui, sa grande soeur connaît qui il est. Mm-hmm. Oui, mais comme quand elle est malade, quand elle a besoin de quelque chose, c'est lui. Mm-hmm. Elle ne dit rien. Avec les recherches que j'ai pu faire dans la nuit, parce que j'ai travaillé toute la nuit, mm-hmm. j'ai remarqué qu'il était maire dans un des villages, dans les environs 2010-2000. Au Kola. Je ne connais pas les noms des. Il était, oui, mm-hmm. dans les villages, on le donnait. Il avait trop de titres dans les villages. Donc, il avait beaucoup de titres. Oui, il avait beaucoup de titres. Franchement, dans les villages, il avait beaucoup de titres. Uh-huh. Uh-huh. Et pendant que j'ai regardé l'accusation qui était portée contre lui, il y avait une condamnation de 300 millions. Oui, avec soit c'est la Camerail, soit c'est quoi. SNH. Oui, quelque chose SNH. Comme ça. On a dit qu'il a pris de l'argent pour acheter le terrain à Kribi. Oui. Il n'a pas donné l'argent complet. Oui, oui, c'est mm-hmm. vrai. C'est dans la nuit que j'ai fait les recherches. Oui, c'est vrai. Oui. Et là maintenant, on a dit qu'il a donné l'argent au notaire. Le notaire dit qu'il n'a pas, il y a entre lui les sous-préfets et qu'on l'a condamné parce qu'avec 300, mais ayant l'argent, on dit qu'on l'a condamné pour 300 millions, mm-hmm. 368 millions, quelque chose. On dit qu'on l'a condamné pour cet argent-là. Il a l'argent chaque jour. Mm-hmm. Pourquoi il n'a pas remis l'argent? Je sais pas. Parce que c'est pas seulement 300, puisque la condamnation a lieu dans les environs de 2012, ça fait 4 ans aujourd'hui. Oui. Et s'il sort chaque fois et qu'il dépense 50 000 francs sur toi la semaine, peut-être plus de 100 000 francs sur chaque semaine, ah, c'est une année à 52 semaines. C'est ça, non? Il dit une année, il me trompe, 52 semaines, quand même. Donc seulement pour toi. 50 000 chaque semaine, 50 000 par 50. Mais ça veut dire qui peut rembourser cet argent? Oui, ça part de 368 millions, ça sort d'où? Bon, avançons. Donc, vous êtes assis dans son salon de la chambre. Oui. Je lui pose dans la question. Qui a initié cette réunion? C'est lui qui c'est lui qui m'appelle toujours. Oui. Parce que moi, je ne vais jamais vers lui. Oui. Lui, il m'appelait toujours. C'est comment tu. Je vois comme si tu m'évitais. Je dis non, je n'évite pas. C'est que là, il t'a appelé, tu es entré, tu es assise. Oui. Mm-hmm. Comme il était dans la chambre, je ne voulais pas entrer dans la chambre. Je me suis assise sur son salon là une fois. Oui. Il est venu m'appeler. Là, il s'est assis aussi. Il me dit, c'est comment? Je dis non, ça va. Il recommence comme d'habitude. Oui. C'est comme ça donc que je lui pose la question que si je fais ça avec toi maintenant, et oui. mon mari, quand je vais me marier. Et quand il dit ça, est-ce qu'il a il semble être frustré? Est-ce qu'il semble comme quelqu'un qui est dérangé? Non. Il nous dit tout naturellement. Il n'est même pas un peu dérangé. Oui. Même pas. Au contraire, c'est moi j'étais dérangé. Oui. Il me dit non, faut pas avoir peur, faut rester tranquille. C'est pas un truc. Et même si ça se passait, personne ne serait au courant, ça serait juste entre toi et moi. Oui. Oui. C'est comme ça que je lui demande, donc, et si je veux me marier un jour, mon mari me dit non, tu n'auras plus besoin du mari parce que je serai tout pour toi. Oui. Tu auras tout ce que tu veux dans ta vie, je ne vois pas à quoi l'homme va te servir. Oui. Ça m'a un peu fait bizarre, j'ai dit mais mon père devient mon mari, bon c'est vrai que j'aurai tout ce que je veux, j'aurai. Tu ne crois pas, il me dit ok, tu ne crois pas, mais il faut donc que tu me mettes dans ta tête que tu ne vas jamais te marier. C'est ce qu'il a dit. Oui. Mm-hmm. Tu ne vas jamais te marier tant que tu es ici chez moi. Mm-hmm. Oui, personne d'entre vous, mettez même déjà ça dans vos têtes, personne d'entre vous ne va se marier. Ah, c'est comme ça que j'ai dit que okay, moi j'ai suivi, comme le jour là j'étais en train de sortir, je voulais aller à ma formation. Mm-hmm. Je lui ai dit que moi je suis en train de partir, je suis arrêté. Il m'a dit oui, le soir va. Et toute la journée, comment tu as été avec cette conversation? Ayant subi ce genre de conversation avant de sortir, comment était ta journée? Bon, pour dire aussi, la période là, je ne me dérangeais pas trop. Comme tu as l'argent. Oui, je suis arrivée à l'école. Moi, j'ai commencé mes trucs avec. Comme on avait les devoirs, on devait composer. J'ai commencé. Après, bon, je suis sortie. Tu es passée dessus. Oui, je suis sortie avec mes camarades. On s'est amusé là. Je suis rentrée à l'heure que je savais qu'ils n'étaient plus à la maison. Mmh. Bon, durant cette marche là, à l'école, personne ne t'a rencontré pour te parler de Jésus? Non. Tu n'as rencontré personne? Non, personne. Il y avait une fille à une époque. Une amie, j'étais amie avec elle. Elle me parlait déjà un peu trop de Jésus, trop. Un jour, elle est venue à la maison. Mm-hmm. Elle est arrivée devant le portail et elle m'a dit qu'elle n'entre pas. Oui. Oui. Je lui ai dit pourquoi? Elle me dit non. Je n'entre pas chez toi, je ne veux pas entrer chez vous. Je lui ai dit pourquoi? Il y a quoi chez moi? Attends, pendant qu'elle fait comme ça, est-ce que toi tu connaissais déjà ce qui est ton père? Est-ce que c'est que la maison là? Oui. Je connaissais, mais je voulais qu'elle entre. Je ne sais pas, je voulais qu'elle entre pour qu'on cause un peu. Parce qu'à un moment, elle me parlait souvent de Dieu a fait, Jésus a dit. Mmh. Et parfois, j'aimais souvent lire la Bible avec elle. Elle vient, oui. On passe une journée. Oui. Je pense que je passe. Bon, parce qu'elle n'était jamais venue à la maison. Oui. J'allais beaucoup plus chez elle. Mmh. Quand tu allais chez elle, tu te sentais à l'aise. Oui. Mmh. Je me sentais. Là, maintenant, tu voulais aussi qu'elle vienne. Oui, qu'elle vienne à la maison. Elle quitte, elle marche. Elle arrive chez toi. Oui. On a bien pris le taxi. Le taxi nous a laissé. Nous sommes descendus. Quand on arrive devant le portail, oui. J'ouvre le portail. Elle me regarde. Elle me dit : tu vis ici ? Je dis : oui, je vis ici. Pourquoi ? Elle me dit, non, Mélissa, je n'entre pas chez toi. J'ai dit, pourquoi il y a quoi chez moi? Entre, non. Moi aussi, je vais plus venir chez toi. Elle me dit, non, c'est pas ça. Je ne peux pas entrer chez toi. Et ta camarade, là, elle est où aujourd'hui? Elle n'est plus ici. Ok, là, elle est étrangère. Maintenant, avec maintenant, c'est pas pour rien qu'il pose les questions. Tu vois que quand il pose les questions, c'est pour susciter quelque chose. Oui. J'ai pensé, j'ai parlé des faits que, depuis que tu m'as dit qu'elle ne t'a pas parlé de Jésus, et quelle est la réaction? Selon toi, qu'est-ce qui a fait que cette fille arrive là-bas? Elle n'entre pas. Je me dis que ce sont les trucs de mon père qui ont fait en sorte qu'elle n'entre pas parce qu'elle, elle avait déjà le Saint-Esprit en elle. Mm-hmm. Oui, elle n'est pas entrée. Tu aimerais être comme elle? Oui. Donc, ce n'est qu'on va prier pour toi après ta délivrance. Dieu t'est rempli de son esprit. Oui. Maintenant, ça veut dire que tu vois, mais ici, on appelle ça, cette fille était conduite par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te conduit, donc, même si elle est piège devant toi, mm-hmm. Dieu t'arrête. Là où elle était, même si tu lui donnes 400 millions, oui. Elle ne peut plus franchir la maison parce qu'elle était gardée par le Saint-Esprit. Si c'est une fille donc qui vivait, qui disait de Jésus de sa bouche, mais qui vit dans la fornication et vivait une mauvaise vie, c'est que la Bible allait entrer comme ça. Pam, le sait pas, la va la tuer. Parce que la fille, quand elle venait à l'école, elle n'avait pas. Mais ses cheveux, je disais, comment une fille peut rester? Regarde-toi, tu es. Non, raconte-moi ça, raconte-moi ça. Comment elle était? Parce que tu retires maintenant. Bizarre. Elle n'avait pas des artificiels sur elle. Oui, les ongles, les cils, les gloss. Les rouges à lèvres, elle n'avait pas ça. Elle n'avait rien. Elle était toujours comme bon. C'est vrai que la cuisine, on nous interdisait les ongles. Oui. Et les cils aussi. Mais nous, on mettait. On te gronde là, tu t'en fous. Mais elle était naturelle. Oui, naturelle. Bien gardée, bien. Donc, elle, je ne comprenais pas. Je lui posais souvent. Ah, le temps que tu étais là, tu étais sapée. Mamie Nyanga jusqu'à, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu vois que c'était une sainte fille, n'est-ce pas? Maintenant, avec le recul, tu vois maintenant que c'était une sainte fille. Oui. Ok, maintenant, toi également, maintenant, tu voudras vivre comme elle. Comme elle. Amen. Amen. Et parfois, quand elle te parlait de ce que Dieu a fait, Jésus a dit, tu ressentais, mais... Donc, la vie passait au travers de ton cœur. Oui, tu te touchais, mais à un moment, un esprit vient, ça bloque. Que, gars, tu vas accepter quoi comme ça, par exemple, avec ta main, tu fais. Bon, quand l'esprit là me bloquait souvent, et c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure avec la Bible. Oui. Donc, comme j'ai souvent le mal des yeux, mm-hmm. quand je prends la Bible, oui. je commence à lire la Bible, mm-hmm. mes yeux deviennent flous, je mm-hmm. ne vois plus. Oui. Ça commence à picoter. Mm-hmm. Je ne vois plus. Oui. Mais j'ai fait l'effort, j'ai fini. Mm-hmm. Quand j'ai fini, bon, je suis restée dans la chambre, les larmes ont commencé à couler. C'est pour ça que je voulais un peu. Prendre des mains. Oui, je voulais ça va s'arrêter. Tout ça va s'arrêter, d'accord. Mm-hmm. Tout ça va s'arrêter. Ne t'inquiète pas seulement après la prière, d'accord. Tu es là, tu vas rester ici autant que ça voudra. C'est une maison ici, non? Oui. Et toi, ton père dit que si tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut, tu n'habites pas chez lui. Mm-hmm. Là où tu es ici, tu ne te sens pas à l'aise. Si, je suis à l'aise. Voilà. Donc, on va prier pour toi, le Seigneur, qui va faire des merveilles. Il dit bien, celui qui t'a toujours protégé oui. dans cette maison-là, pour que tu ne cèdes pas et t'es gardé, pour qu'on ne te tue pas, il va faire des merveilles dans ta vie et tu témoigneras aussi de sa part. Amen. Mm-hmm. Raconte-nous encore, y a-t-il encore des choses que tu avais oubliées? Bon, pour le moment, ça vient souvent comme un don. J'oublie, mais peut-être quand je reste seule, que je n'ai rien à faire, ça mmh. vient. Mmh. Oui. Quelles sont les choses dont tu t'es souvenu depuis hier? Et depuis hier, quand on a parlé, là, quand tu as parlé, est-ce que tu t'es sentie triste ou bien quoi? Non, je me suis sentie libérée. Libérée? Oui, parce que je n'avais jamais parlé de ça. Bon, c'est vrai que j'ai essayé de parler avec Serge, mais je ne suis pas entrée en profondeur comme je l'ai fait hier. Mmh. Oui, je disais juste comme ça. De façon superficielle. Oui. Et là, un point qui t'a quitté ton cœur. Oui, un point. Donc, je me sens, je ne sais pas, je me sens bien. Mmh. Oui. Amen. Tu vas davantage te sentir mieux quand le Seigneur te touchera. Mmh. Et hier, j'ai essayé de causer avec Omila. Oui. Au téléphone, raconte-nous ça. Oui. Par message. Oui, par message, par WhatsApp. Oui. Elle me demande que c'est comment tu es où. Je dis que je suis là. Mmh. Tu es là où. Je dis que non, je suis là. Donc, elle veut prendre les renseignements. Oui, je lui ai dit. Et comme tu es trop forte. En passant, oui. Ton truc dont tu m'as parlé là, mm-hmm. on est là, tu veux sortir de là. Elle me dit, Mélissa, pardon, excuse-moi. Moi, j'ai fait mon choix. Si toi, si Serge t'a déjà rempli avec ces faux trucs de Jésus à gauche, c'est quoi que tu parles chez les gens, on te dit la Bible a fait, Dieu a fait, pardon, pardon. Elle a rencontré Serge. Oui. Et qu'est-ce que Serge lui a dit? Elle a rencontré Serge et son grand frère partout. Oui, oui, oui. Oui, le premier jour qu'elle arrive à la maison, parce qu'à un moment, bon, je ne sais pas ce qu'il attirait sur Patou. Oui. Elle était vraiment attirée par Patou. Mm-hmm. Bon, elle venait là. Patou me dit d'abord que Mélissa, ta soeur, si mon esprit ne colle pas avec elle. Patou, c'est le frère de... Oui, son grand frère. Le grand frère. Oui, le grand frère de Serge. Donc c'est Aristide. Ben, je ne sais pas, moi, je l'appelle beaucoup. Aristide. Oui, c'est lui qui était d'abord ici avant Serge. Oui, oui, donc, c'est lui qu'on a baptisé ici. Oui, c'est lui. Donc, elle était attirée. Aristide a dit que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Non, c'est le Goaoun qui est dans le fond de l'année. Elle vient, un jour, elle vient, j'étais chez Serge. Oui. Elle vient. Comme le jour-là, Serge et moi, Serge, on lisait la Bible dans la chambre. Oui. Elle vient, quand je sors, j'ai le foulard attaché. Oui. Attends, qui t'a demandé d'attacher le foulard? Serge. Mmh. Serge m'a dit que quand tu vas... Donc, quand tu... Et dans la présence de Dieu. Oui, une femme ne doit pas montrer ses cheveux, tu ne dois pas... Okay. Les mini-trucs que tu portes là, tu ne dois plus porter ça. Mais ça ne t'a pas semblé bizarre qu'il dise ça, hein? Ou bien, ça, tu n'as pas eu à te rébeller par rapport à cela? Non. Mmh. Pour dire, je ne me suis pas... Donc, quand il me disait un truc, c'est comme si... Intérieurement, un esprit me disait que non, ce qu'il dit est vrai. Oui. Toi aussi, essaye un peu de changer, fais aussi comme ça, fais comme donc, ça. Donc, tu es dans la chambre avec lui en train de lire avec le foulard. Oui. Et on est là entre. On est là entre. On avait déjà presque fini. Mm-hmm. Je sors donc, je vais retrouver Ornella au salon. Patou était là. Mm-hmm. Elle me dit, hé, tu as quoi sur toi comme ça? J'ai dit, oh. Donc, mon gars me dit, tu as quoi sur toi comme ça? J'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est quoi? Elle me dit, hé, tu as attaché le foulard. Comme j'avais la greffe, mm-hmm. j'ai enlevé la greffe. Elle me dit, hé. Où est ta greffe? Mmh. Où sont tes cils? Mmh. Je dis, je n'ai plus, j'ai enlevé. Elle restait fait. Mes cils. Elle restait fait. Patou dit, on est là, en fait, c'est même bien parce que tu es venu. Je voulais te dire, bon, tu sais, dans la vie, on dit que nul n'est maître de son destin. Si Mélissa veut décider de changer, si Dieu veut toucher Mélissa, moi aussi, je vais te parler de la Bible. Hé, pardon. Je n'aime même pas qu'on prononce le nom. En réalité, ce n'est pas Ornella, ta soeur qui André dit ça. Mm-hmm. Ce n'est pas elle. Souviens-toi qu'il y a un être en elle. Oui. Voilà. Donc, c'est cette tête-là qui fait ça pour rejeter. Cette tête-là fait ça. Il crée les tensions entre mm-hmm. vous. Il crée les disputes. Il donne la haine sur le cœur d'Ornella contre vous. Pourquoi vous la rejetez? Pourquoi mm-hmm. vous la repoussez? Oui. Justement. Mm-hmm. Patou dit non. Patou essaye de raisonner, dit à Patou. Ah! En tout cas, comme la bouche est là, ta bouche est ouverte pour parler. Parle, je suis là. Donc, Patou était dépassé. Mm-hmm. Elle part. Patou me dit que Mélissa. Je n'avais rien dit. Je n'avais encore rien dit à Patou et Serge. Mm-hmm. Donc, personne ne savait encore. Personne ne là-dessus. Savait. Mm-hmm. Me dit que Mélissa, ta soeur, ce n'est pas saine. Je dis pourquoi. Ma soeur est saine. Pardon, laissez-moi. Mais toi, tu savais. Oui, et tu essaies de cacher que ma soeur est saine. Oui, mm-hmm. oui. Mais dis non. Je ne sais pas pourquoi chaque fois que ta soeur vient ici, là. Mm-hmm. Donc, mon esprit et elle, ça ne donne pas. Je dis non, il faut forcer. Il faut forcer. Elle a l'argent. Va manger son argent. Tu vois que le fait que Aristide et Serge ont l'esprit de Dieu en eux, mm-hmm. ça fait que quand ils sont en face de quelqu'un qui a un autre oui. esprit, il y a l'antagonisme, n'est-ce pas? Oui, ça ne donnait pas. Oui. Au point où Serge m'a dit que Mélissa, moi je ne veux plus voir ta soeur ici. Mm-hmm. Oui, parce que franchement, ta soeur a quelque chose en elle qui n'est pas bien. Moi mm-hmm. je ne veux plus qu'elle vienne ici. Là, si tu il viens, a dit ça comme ça? Oui, il m'a dit. Mm-hmm. Bon, il me dit, si tu mais dis-lui ce que tu veux, mais je ne veux plus qu'elle vienne ici. Mm-hmm. Donc, elle voulait dire que tu utilises des témoins pour que tu ne viennes oui. plus ici avec elle. Mm-hmm. J'ai sorti une fausse histoire là, que bon, toi, j'ai menti. Tu as menti avec la Bible à la main. Bon, la mère me dit, ah, ça va. Moi-même, je ne voulais même plus trop partir là-bas parce que chaque fois que moi, je viens même pour causer avec les gens, ils sont en train de te dire, Jésus. La Bible a fait, Jésus est ton sauveur, accepte-le comme ceci. Donc, elle prononce Jésus sa propre bouche. Oui, elle prononce. Mm-hmm. Elle prononce. Mm-hmm. Oui, mais quand tu vas venir, on est l'assise, qu'elle a la Bible à main. Jamais. Pour qu'elle prie. Mm-hmm. Jamais. Mm-hmm. Non. Jamais. Depuis que je connais on est là, n'a jamais fait ça. Bon, revenons sur ce que tu as dit. Tu as dit que hier, quand on s'est séparés, c'est après ton témoignage, mm-hmm. tu es allé, tu l'as contacté. Qu'est-ce qui t'a poussé à la contacter? Je me suis dit que, bon, si moi. Mm-hmm. Déjà, j'ai accepté. Je veux vraiment sortir de ce chemin-là. Mm-hmm. Elle aussi, d'une part, si elle m'a dit mm-hmm. Ça veut dire que d'une part, elle veut sortir. Amen. Mais hier, j'ai compris qu'elle ne voulait pas. Non, ce n'est pas elle, souviens-toi, ce n'est pas elle qui t'a acquis en dehors de tes repos. Allez, ça, tu vas toucher ça chaque fois. Il y a un esprit qui va se mettre entre toi et elle. Ne regarde pas ça comme ça. Regarde toujours ta soeur qui est charnelle, d'accord? Mm-hmm. Quand que tu désires la sortie de là, regarde-toi que chaque opposition qui va venir de sa part, ce n'est pas d'elle. Mais si, bon, l'opposition peut aussi venir. Si elle... Elle n'est plus à sa propre volonté. C'est pour ça que quelqu'un, tu as dit hier que il y a un garçon qui était aussi sataniste qui t'a dit que ton père ne peut pas te forcer à coucher toi, sinon ça ne doit pas être accepté. Mm-hmm. Il faut ton consentement. Mm-hmm. Le consentement fait de telle enceinte que tu sois enchaîné. Tu sais dire ça, hein? Oui. C'est-à-dire le comportement, le fait qu'elle a consenti. Fait de telle enceinte qu'elle donne son être. Mm-hmm. Elle livre son corps. On a vu ici dans 1 Corinthiens 6 que celui qui se lève, par rapport au péché de l'impudicité, pêche contre son propre corps. Mm-hmm. Tu vois, donc elle s'est livrée corps et âme. Et par conséquent, elle a enchaîné. Donc, ici, tu vas utiliser des différentes façons de la patience pour pouvoir toucher à son être. D'accord? Mm-hmm. Donc, quand on va finir avec toi, toi et moi, nous allons entrer dans le jeûne et dans la prière. Mm-hmm. Où toi, tu vas intercéder pour ta soeur. Parce que c'est ta soeur à toi, tu es proche d'elle. Où tu vas, on va soumettre son nom devant le Seigneur. Mm-hmm. Et puis, tu vas la rencontrer. D'accord. Donc il ne faut pas baisser les bras. Même si tu fais, même si, sache, toi connaissant la vérité, elle ne connaissant pas. Même si tu dis n'importe quoi, elle t'insulte, n'insulte pas. Ne dis pas que, ok, laisse alors meurs là-bas. Continue toujours à lui présenter l'amour, à lui présenter l'amour du Seigneur Jésus. Lui présenter la liberté, la joie qui est dans cette liberté. Mm-hmm. La paix que tu as à l'intérieur. Comme tu dors étant conscient que si tu meurs maintenant, tu vas aller au ciel. Mm-hmm. Tu vois un peu cela? Mm-hmm. Oui. Donc dans votre conversation, continuons. Voilà, moi, dit qu'elle a fait son choix. Comment elle parle que laisse-moi ça. Laisse-moi avec tes machines. Les idées que Serge t'a déjà rempli la tête là. Je t'avais dit, moi, je t'avais dit au début avec ton Serge là que ce n'est pas un gars bien. Ce n'est pas un gars bien. Il a fait, tu as déjà eu des problèmes avec le pater, tout ça, il a commencé à vouloir trop parler là, il a dit qu'on est là. Laissez parce que tu ne connais pas ce que tu dis. Et je me dis, hier je lui ai dit que, je me dis que d'une part tu n'es même pas l'enfant de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Mais si d'accord, tu sais déjà qu'il y a un autre esprit à l'intérieur de l'homme. Si pas tu avais l'esprit de Dieu en toi, que peut-être, je ne sais pas, tu n'allais pas parler comme ça. Elle m'a dit, ah ma soeur, maman, la vie c'est un choix. J'ai dit, ok. Bon, je vais te faire signe. Elle me pose encore. Tu dis même que tu es où? Elle dit que je suis là. Tu es à Yaoundé, non? Tu as encore menti. Mm-hmm. Donc, même dans la maison, si tu as menti. Bon, je ne voulais pas lui dire que je suis à Douala. Non, tu peux lui dire que tu es au Cameroun. Puisque tu es au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu peux lui dire que tu es au Cameroun. Oui. Voilà les têtes ouvertures que tu peux utiliser pour lui parler. Tu dis que c'est parce que tu n'es pas ma copine, tu ne veux pas me prendre comme ta copine, comme ton intime. Mm-hmm. Tu veux savoir mes choses intimes, mais tu ne veux pas être mon intime. Si tu pouvais t'ouvrir à moi, et pouvais te dire mes secrets, te dire les endroits où je vais et autres maintenant, mais tu ne veux pas t'ouvrir. Comment tu veux que je m'ouvre aussi? Mais on est là avec une habitude que si je fais un truc, oui, elle est au courant. Elle va mettre aussi le papa au courant. Mais c'est pour cela, c'est de l'intermédiaire. Et surtout quand j'ai connu Serge, oui, un jour, bon, quand Serge a commencé un peu à persévérer avec Jésus a fait, mmh, elle a dit au pasteur que Mélissa venait de connaître un gars là, le gars là, lui passe le temps à parler, Dieu a fait, Jésus a fait. C'est comme ça que le pasteur me dit d'arrêter ma relation avec Serge. Mmh. Il vient comme ça, un jour comme ça. Oui, il me dit, je ne sais pas quelle relation tu as entamé là, ta petite sorcellerie que tu as commencé avec le gars là. Donc pour lui, maintenant, il appelle ça sorcellerie. Oui, et ce qu'il veut faire avec toi, c'est quoi? C'est la grande sorcellerie. Pour lui, c'est pas la sorcellerie. Ok, donc il dit que donc tu es marié, que... Non, tu m'arrêtes. Que tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes la relation là. Mm-hmm. Oui. Parce qu'une fois, c'est, j'étais même venue à la maison. Oui. Oui. Il a dit que je ne veux plus entendre que le gars là est venu ici. Il l'a rencontré. Non. Mm-hmm. Non. Non, non, non, non. Il n'a jamais rencontré. Jamais. Comme ça, il m'a dit que tu arrêtes. Je ne veux plus entendre que tu es avec le gars là. Mm. Bon, moi aussi j'ai continué à. Peut-être le serpent est venu suivre comme ça, voir Serge là-bas fuir. Oui, oui, parce qu'on dit que le serpent là se balade partout dans le camp. Uh-huh. Oui. Il se balade. Et si ça rencontrait Serge alors? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Dieu, parce que moi je n'allais rien voir et n'allais rien ressentir. Uh-huh. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui allait se passer entre Dieu là-bas. Mm. Maintenant, parlant de ton père, s'il arrive que ton père nous écoute, qu'est-ce que tu aimerais lui dire face à face? Bon, pour moi, je peux dire que... Qu'est-ce que j'aimerais bien dire à mon père? Tout ce que j'aimerais bien dire à mon père, c'est du côté dont on est là. Mmh. Oui. Que... Si s'il peut libérer, on l'a enlevé son serpent, on l'a cherché, où il peut mettre, chercher. Je ne sais pas, il a les, mon papa dit qu'il a les copines dehors. Il prend ça même, il enlève sur on est là, il peut donner à l'une de ses femmes. Mm-hmm. Parce qu'il a une jeune fille. Donc, ce que tu as dit, c'est que ton père laisse la tuer ta petite soeur, mais pas tuer quelqu'un dehors. Bon. Mais vous, ce qu'elle va faire comme ça, il va faire ça à l'enfant d'autrui aussi. L'enfant d'autrui aussi qui n'est pas simple, parce que la femme qu'il a présentement aussi n'est pas simple. Attends. Là maintenant, tu veux nous dire encore autre chose. Il a encore une autre femme. Il a une autre femme, mais elle ne vit pas à la maison. Ah, raconte-nous ça. Hier, là, tu ne nous as pas raconté ça. Parce que il était question que la maman de Lionel était partie. Oui, la maman de Lionel est partie. Il a connu une femme en prison là-bas. En prison? Oui, il a connu une femme à Kondengi là-bas. C'est une prisonnière? Oui, elle était. Ah. Il a fait sortir la femme. Ah, donc lui, il est prisonnier, il a fait sortir la femme de la prison. Oui, il a fait sortir la femme. Il dit, ton papa, vous me surprenez à ces Camerounais-ci. Il a fait sortir la femme de prison. Mm-hmm. À un moment, la femme est venue rester à la maison. Avec vous? Oui. Oui. Bon, elle aussi, elle était secouée. Elle, les maladies, elle commençait, elle tombait déjà partout, elle tombait. Tombait comment? Tombait que... Elle tombait comme si elle était évanouie. Oui. Elle meurt déjà, elle avale la langue, l'air ne passe plus, des trucs comme ça. Oui. Oui, comme ça. Donc attends, là maintenant, puisque tu as dit que ton père sort chaque semaine, 4 fois par semaine, il venait à la maison. Et chaque fois qu'il venait à la maison, il la rencontrait à la maison. Oui. Elle dormait dans sa chambre. Oui, elle dort dans sa chambre. Et quand lui n'est pas là, elle dort dans sa chambre. Elle dort dans sa chambre. Et là, vous aviez eu à causer, toi et elle. La femme. Oui. Non. Quand vous êtes à la maison, vous savez, chacun comme le chien et la souris. Oui, si c'est la télé qu'on regarde, on regarde juste la télé, personne ne parle à l'autre. Hein? C'est quel genre de vie vous vivez là? C'est-à-dire que vous asseyez au salon. Oui. On a de regarder une émission à la télévision, personne ne parle à personne. Personne ne parle. Si tu veux rire avec ton humeur, tu ris de ce qu'on dit à la télévision. Oui, si tu es déjà trop gêné, tu prends ton téléphone, tu sors, tu vas t'asseoir au balcon, tu commences à poser avec tes amis. Mm-hmm. Oui. Donc avec elle, vous n'avez pas de relation? Non, on n'avait pas de relation avec elle. On n'avait vraiment pas. Dans notre maison, elle est bizarre. L'atmosphère qui règne chez nous, c'est vraiment l'enfer sur terre. Bon, alors, je pose la question. Donc, et qu'est-ce qui a fait que cette femme-là, maintenant, s'y sort de la maison? Non, apparemment, elle est partie voir son marabout. Son marabout lui a dit que le pater a des trucs bizarres. C'est ça qui fait en sorte qu'elle tombe toujours malade. Oui. Oui, qu'elle doit d'abord partir de la maison. Qu'elle quitte d'abord cette maison. Oui, c'est pour ça qu'elle est quittée. Mais en tout cas, elle se voit avec ton pater. Oui, elle se voit puisque l'appartement qu'elle a pris, c'est mon père qui paye aussi. Mais si elle a mis quelque chose, elle me dit pas aller garder aussi, tu n'en sais pas là. Donc finalement, ton père dépense comme ça, par mois, par semaine, il dépense, et il paie cet appartement-là, pour cette femme-là aussi. Mm-hmm. Et donc, c'est là où tu disais maintenant, tu disais qu'il faut qu'on sauve, on est là, qu'il faut qu'il enlève son serpent, si on est là, il peut mettre là-bas. Oui, mais où il veut. Oui, mais peut-être qu'il a mis l'autre sur cette femme-là, tu veux qu'il passe se charger cette femme-là comment? Puisque c'est ça qui l'a fait tomber, non? Bon, elle a accepté manger l'argent. Même on est là aussi, non? On est là accepté aussi dans l'ignorance, on est là, étant encore petit. Mm-hmm. Je me dis que c'est l'ignorance qui a fait aussi qu'on est là accepte. Et peut-être parce que... Mais même cette femme-là était en prison, elle était en difficulté. C'est pour ça qu'elle est sortie, elle a aidé à sortir. Et là, ils ont fait, certainement conclu un marché. Oui. Et ce n'était pas une femme mariée, c'était une femme qui aussi connue. Non, elle n'était pas mariée. C'était une jeune fille, bon, à l'époque où elle est sortie de prison, elle avait 28 ans. 28 ans, une jeune fille. Oui, une jeune fille. Mais elle était allée en prison, pourquoi? C'est bon, d'après ce que le papa lui-même nous a dit, parce qu'un jour il s'est fâché contre elle. Oui. Que on l'a arrêté à l'aéroport, elle avait le cœur de deux enfants, le jumeau. Que le marabout lui attends, a demandé. Attends, attends d'abord. Chérie, s'il te plaît, lève-toi, tu écoutes les choses ici. Mm-hmm. Lève-toi, assieds-toi ici à côté de nous, ma femme. Tu vois, ma femme est fatiguée des événements qu'elle a. Elle est fatiguée, il qu'elle se repose. Donc, tu vois, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous permet qu'on entre dans ces détails-ci. Donc, cette fille-ci, cette jeune fille-ci, tu connais son nom? Francine. Mm-hmm. Donc c'est une jeune fille, Francine, en sortant de la prison, avait 28 ans. Mm-hmm. Et la cause pour laquelle elle-même est en prison, c'est qu'on l'avait arrêtée à l'aéroport avec le cœur... Des deux jumeaux. Oui. Et dans sa mallette. Oui. Elle partait dans où avec? Dans le sac, partait en France. En France. Donc le marabout lui a dit que si tu veux voyager, il paraît qu'elle a connu un blanc de... Bon, les trucs qui font le net ici, là. Oui. Oui, elle a connu un blanc. Au travers d'Internet. Oui. Oui. Et le marabout lui a dit que non, si tu veux voyager pour que le blanc t'aime... Ramène-moi le cœur de deux jumeaux. Oui. Oui, parce qu'elle est Tchang. Oui, elle est de la ville de Tchang. Tchang, c'est à l'ouest du pays, là où il y a l'université de Tchang. Oui, oui, elle est là-bas. C'est comme ça, donc, dans son village là-bas, en complicité avec sa maman. La maman de la fille de Francine, qu'on appelle Francine. Francine, la maman de Francine. Oui. Oui, ils ont tué deux jumeaux là-bas. Ils ont pris le cœur. C'était leur propre enfant. Hein? Non. C'était pas un enfant de quelqu'un. Les enfants de quelqu'un. Les enfants des gens au village. Comme on entend qu'à Tchang, il y a très le meurtre des meurtres, là. Oui. Ça fait des sacrifices rituels. Oui. Elle a donc pris le cœur saignant. Pour voyager avec. Attends, là, attends. Le marabout Elle se trouve où? Le marabout. Ou le marabout qui lui a demandé de faire ça? Je ne sais pas, peut-être qu'il est là-bas, tiens. Non, je voulais dire que le marabout a dit qu'il voyage avec ce cœur-là, là-bas. Oui, quelqu'un voyage avec ça, le cœur, oui. En France. Mm-hmm. Ok, donc elle avait donc ça dans son sac. Oui, elle avait dans le sac. Oui. Ça, là, le pot qu'on a pris. Avec ça. Oui. Ah, c'est ton père qui raconte comme ça. Oui, c'est lui qui nous. Et là, maintenant, elle a condamné pour combien de temps, combien d'années? Bon, le pasteur dit que quand il est arrivé là-bas, il avait déjà fait 3 ans. 3 ans de prison. Mm-hmm. Et là, maintenant, tout de suite, ton père l'a fait le relâcher. Oui, on a dit au pasteur de donner, si c'est combien de millions, il l'a versé là-bas, elle est sortie. Ton père était en prison, a aussi versé le million. Oui. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est donc venue rester à la maison. Elle a dit que bon, je te fais sortir, tu deviens ma femme. Comme la fille aussi était dans la difficulté, sa famille l'avait déjà tourné le dos. Mm-hmm. Elle dit c'est comme ça. Donc elle sort de prison et vient rester à la maison en tant que sa femme. Et là maintenant, ton père a mis aussi son serpent sur elle. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a sa porte aussi, ça part là-bas, oui. Oui. Quand tu voyais cette femme-là, tu la considérais, elle avait l'air innocente? Non. Comment ça? Moi, c'est vrai que... Quand j'ai appris ce qu'elle a fait, on ne juge personne, on ne condamne personne, mais moi je l'ai condamné, je l'ai jugé en même temps. Tu avais peur qu'elle enlève sur ton cœur? Pas pour moi. Bon, parfois comme... De temps en temps, il y a les enfants de dont mes grands-frères qui sont aux États-Unis. Mm-hmm. Il y avait une qui restait là avec nous. Tu avais peur qu'elle laisse jouer là? Elle avait son cœur pour partir avec. Et donc je ne l'aimais plus, vraiment. Et Ornella, quelle était ta relation avec celle-là aussi? Bon, Ornella s'entendait un peu avec elle. Parce qu'ils sont dans le même cas. Je ne sais pas, Ornella. Puis elles sortaient souvent ensemble. Wow. Oui. Elles sortaient souvent ensemble. Ornella s'entendait. Okay. Et depuis qu'elle est partie donc de la maison, est-ce qu'Ornella t'a déjà parlé d'elle? Est-ce que oui, jusque-là, est-ce qu'Ornella t'a déjà parlé d'elle? Parler d'elle. C'est-à-dire que comme elle n'est plus à la maison, est-ce qu'Ornella t'a déjà parlé des sept? Puisque si elle a eu à vous constater quelque chose, ainsi de suite. Non, tout ce qu'Ornella me dit, c'est qu'elle aime parce qu'elle n'est plus là. Parce que quand elle était là, elle n'avait plus l'argent. Comme donc l'argent allait plutôt de son côté. Oui. C'est okay. Tout ce qu'Ornella me dit. Donc elle est vraiment la baronne de la maison. Oui, elle est la baronne vraiment. Si tu l'énerves, même elle peut dire papa que bon, même moi telle personne dit, on te met dehors. Directement. Oui. Waouh. Mais c'est vrai que tu vois qu'il y a au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses autour de ton père, autour de votre famille que tu as encore dit. Oui, il y a. En dehors de ça, y a-t-il encore quelque chose? Ton père était en prison, il a créé les relations avec qui? Y a-t-il des actes de sorcellerie qui font des pratiques, des gens qui... Oui, dernièrement, il y a les pygmées qui sont venus. Les pygmées? Oui. Mélissa, tu vas me finir avec les histoires, vraiment. On a ramené les pygmées. Qui? Un cousin qui vit aussi là à la maison. Oui. Oui. Il a ramené les pygmées, sont venus faire la sorcellerie là pour que le papa sorte. Mais c'est qu'il y a un pygmée qui a été touché par le serpent du papa. Attends. Il y a l'avion qui est passé dans sa maison. Peut-être c'est l'avion, peut-être c'est ton père qui voyage comme ça. Non, il ne peut pas m'atteindre. Donc, tu dis dernièrement, mm-hmm. Ça c'est nous sommes quand nous sommes aussi. Ça peut peut-être 2 mois. 2 mois, oui. Oui. Oui. Mon cousin est venu avec les pygmées à la maison. Non, combien de personnes? Ils étaient 6. 6 pygmées? Oui. Et c'était vraiment les pygmées parce qu'ils étaient vraiment des pygmées. Des pygmées de coups de tête. Bizarre. Ils étaient vraiment bizarres, comme on dit. On est allé chercher dans la voiture, ils sont entrés comme ça avec la voiture dans non, la maison. Non, on a voyagé avec eux dans le bus. Ils ont voyagé dans le bus. Attends, qui allait les chercher? Mon cousin. Oui. En tout cas, quand ton père est en prison, et le cousin il est à la maison. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Il est à la maison. Donc, il a amené les six pygmées. Oui. Oui. Ils sont venus à la maison. Mm-hmm. On les a arrangés, une chambre. Ton père était au courant qu'il devait être là? Oui, puisque c'est mon père qui demande qu'on les fasse monter. Oui. Uh-huh. Quand ils montent, donc, comme le jour-là, il n'est pas sorti, il a appelé à la maison, il a dit, vous leur faites à manger, vous faites. Ils sont restés là toute la nuit, ils ont d'abord fait un grand feu. Mm-hmm. Ils ont fait un grand feu dans la cour. Camp, oui. Oui. Dans la cour. Oui. Ils ont fait un grand feu. Ils ont demandé qu'on achète un carton de vin. Vinosol, oui. Oui, ils ont acheté rouge. Dedans, oui, avec un sac de sel. Mm-hmm. Bon, ils se sont habillés bizarrement. Ils ont attaché les pains rouges, torse nu, mm-hmm. avec mm-hmm. les trucs. Sur les mains aussi. Oui. Ils ont chanté toute la nuit. Et le voisinage, votre maison, est-ce que votre maison est isolée du camp de voisins ou bien la barrière l'enclos qui entoure la maison? Notre camp est tellement grand. Oui. Le camp, ça peut quitter d'ici jusqu'en route. Comme? Oui. Donc on n'a pas de voisins. Donc ça lui c'est très vaste. Oui, il a pris de la route jusqu'au marécage. Donc c'est une vaste superficie. Oui. Donc on n'a pas de voisins. Il y a juste un petit voisin qui est là à côté. Lui, bon. On le connaît pas. Mm-hmm. Et là, il y a l'enclos. Il y a la barrière. Il y a une barrière, une grosse barrière. Donc, vous êtes là-bas dedans. On peut même tuer quelqu'un là-bas dedans. Donc, c'est élevé. De telle sorte, on a de faire quelque chose à l'intérieur. Oui. Même si vous les passants aux alentours, ne peut pas voir ce qui se passe. Et par conséquent, dans ce camp-là, on a allumé le feu dans la nuit. Oui, on ils ont commencé à faire des incantations et ainsi de suite. Oui, les incantations. Ils chantaient. Oui, ils chantaient. Ils faisaient parler leur langue là. Ils faisaient les trucs. Ils disaient qu'ils enlèvent les trucs partout. Il y avait d'autres qui avaient. Ils ont enlevé certains trucs. Ils plantaient encore certains trucs. Bon, ils enlevaient quoi et le but pour leur venue, c'est quoi? C'était qu'ils enlevaient les trucs que la première femme du papa a laissé. Donc dans la maison où ton papa a son serpent qui suivait la maison, oui. La première femme aussi avait enterré sa part. Oui, la première femme avait aussi mis sa part. Donc il fallait maintenant qu'on enterre, on déteste ce qu'elle a mis. Oui, parce que ça dérangeait déjà pour lui. Ça dérangeait? Parce que la femme avait mis, ça dérangeait déjà pour mon père. Tout pour ton père, ok. Oui. Donc on est venu, on a laissé la sorcellerie du papa. Non, ils ont laissé pour le papa. Mais celui qui a été touché... Ses frères nous ont dit que c'est parce qu'il a voulu prendre le serpent du papa. Ok. Donc, raconte-nous l'histoire. Tout s'est passé chez vous. Tout s'est passé. Raconte-nous tout le scénario. Bon, c'est vrai que dans la nuit, à un moment, nous sommes allés. Je suis allée me coucher. Alors, tu étais dans la cité au scénario pour voir tout ce qui se passait. J'ai commencé à citer. J'ai assisté à un niveau là-bas. Ils enlevaient quoi au juste? Ils creusaient les zones. Oui. Les zones. Ils ont creusé un endroit. Il y avait un tissu du papa. On a pris les noix là. Oui. Donc. Les noix de palmiste. Oui, les noix de palmiste. Dans la noix. Oui. Je ne sais pas comment la personne a fait. Comme on a retrouvé les ongles. Les ongles de ton père. Oui. Mm-hmm. Et les cheveux quand on s'épile là. Oui. Oui, on a dit que c'était pour le papa, que c'est sa femme qui l'a bloqué. Mm-hmm. Et il y a l'autre qu'on a enlevé. Il y avait. C'était une boîte. C'était à des différentes zones de la maison. Oui, à des différentes zones. Vous voyez comment ils étaient en train de creuser pour enlever cela. Pour enlever. Mm-hmm. Donc on a enlevé. C'était les boîtes de lotion de femmes. Oui. Il y avait un liquide à l'intérieur. Oui. Et on a attaché avec le fil, on se tresse avec le fil à tresser noir. Le fil noir là, oui. On a attaché en bas, on a mis le miroir. Oui. Et il y avait une pièce de 25. C'est terrible. Donc, en bas de la bouteille, mm-hmm. on a posé un miroir, il y avait une pièce de 25. Mm-hmm. On a enlevé ça. Ils ont cassé. Ils ont dit que le miroir, c'est comme. Parce que la femme, elle vit aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis. Oui, elle vit aux États-Unis. On va raconter son histoire, si tu as aussi c'est de son histoire. Mm-hmm. Si tu as écouté son histoire, oui, continuons. Bon, on a enlevé ça. On a dit que c'est avec ça qu'elle regardait le papa, tout ce que le papa faisait. Donc, il suivait son père, oui, son mari. Oui, ok. Et quand ils font de ces choses qu'ils ont enlevées? On a. Bon. Ils ont cassé, ils ont demandé qu'on jette ça où il y a une rivière, où une rivière passe. On jette ça dans une rivière, près d'un cours d'eau. Oui. Qui allait jeter? Le papa lui-même. Attends, le soir on faisait ça, il était là. Hein? Non, le lendemain quand ils ont gardé. Oui, ils ont gardé. Ils ont posé ça dans la voiture. Oui. On lui a montré. Oui, on lui a montré et ils ont mis un truc ça. Donc, pour dire qu'ils ont anéanti la puissance du truc. Il faut jeter ça. On a dit que quand tu vas aller jeter, tu ne te retournes pas. Donc, quand il rentre déjà à Poney. C'est lui-même qui a jeté. Oui, c'est lui-même. Mm-hmm. Il allait jeter. Oui. Et dis-moi donc, le rapport, tu dis qu'il y avait parmi les pygmées étaient 6. Mm-hmm. Qui sont ceux que. Qu'est-ce qui s'est passé avec un? Parce que tu as parlé de l'un qui avait un problème. Un est parti au niveau du lac. Parce qu'en général. Ok, donc tu as dit que votre barrière, c'est une vaste zone qui va jusqu'au numéro de cours d'eau. Oui, jusqu'au. Il y a un cours d'eau, marécage là derrière. Oui, mais le papa a fait du genre, il a mis la barrière là-bas en bas. Mm-hmm. Comme c'était le marécage, il a fait, on a creusé les lacs, on a creusé trois grands lacs. Trois grands lacs. Oui, et le grand lac. Et le lac là se trouve à l'intérieur de votre concession. L'intérieur de notre concession. Et la barrière passe tout autour. Oui. Et ferme le lac dans la concession. Oui. Je commence à comprendre des choses. Je crois que même autour de ces lacs-là, on va en parler par rapport aux choses. Maintenant. Dans la nuit, ils font ce feu, ils font ce qu'ils ont à faire. Mm-hmm. À quel moment celui-là va vers le lac? Bon, c'était le lendemain. Oui. Parce qu'ils ont dormi. Oui. Le lendemain, donc. Après le feu qu'ils ont fait. Oui, après le feu était déjà fini. Mm-hmm. Ils ont commencé à mettre les trucs là un peu partout. Mm-hmm. Le lendemain, donc, à l'après-midi, celui-là descend au lac. Seul. Tous. Non, tous étaient même dehors. Mm-hmm. Ils descendent au lac. C'est comme ça qu'un dit en patois, donc, parce que. D'autres s'expriment en néondo. Mm-hmm. Votre qui est ton pato aussi. Oui. Mm-hmm. Il dit en patois. Mince, qui a le truc ici? Quand il dit ça, parce que bon, tout le monde ne regardait pas là-bas en bas. Bon, ça veut dire que vous êtes ensemble là, au même, oui, même lieu. Oui. L'un crie que qui, mince. Oui, qui a le truc ici? Mm-hmm. C'est comme ça donc que ça attire l'attention de tout le monde. Tout le monde se retourne que quoi? Qui a quoi? Nous, on ne voit rien. Mm-hmm. Maman, qui a le serpent ici? Mm-hmm. Et il dit comme ça, non, non. Il l'indique où? Il montrait le grand lac parce que il y a les lacs. Bon, je peux dire qu'il y a un lac qui a peut-être la dimension de la chambre aussi. Oui. Et il y a un qui est plus grand. Tu peux peut-être prendre tout l'immeuble. Oui. Oui. Séparé de l'autre lac. Oui, c'est séparé des autres. Donc, tu as dit qu'il y a trois lacs. Mm-hmm. Pourquoi ton père fait ça trois? Je ne sais pas. Mm-hmm. Avançons, oui. Mm-hmm. C'est comme ça, donc... Ok, donc ça veut dire que le lendemain, celui-là s'est promené un peu dans la concession. Mm-hmm. Il s'est promené dans la concession, il regardait. Oui. C'est comme ça, donc, il peut voir. Oui. Il demande, mais est-ce qu'il y a le truc? Il a crié. Oui. Mm-hmm. Qui a le truc ici? C'est comme ça que tout le monde se retourne, qui a quoi? Qui a le serpent ici? Il a dit ça maintenant, clairement, en patois. Il a parlé en patois, qui a le serpent? Par conséquent, tous ceux qui étaient là ont écouté. Oui, le papa était en haut dans sa chambre. Ah, il était venu de la prison, là. Oui, le jour-là, il était à la maison, il était en haut dans sa chambre. Il sort. Mm-hmm. Il commence à parler avec le type... Le chef. Oui. Le chef de groupe. Oui. Mm-hmm. C'est comme ça que le type rappelle le il rappelle son... Bon, qu'est-ce que ton papa lui disait à celui-là? Je ne sais pas. Ok, il a appelé en... Oui, en aparté. Oui. Ils ont causé là-bas. Bon, celui-là maintenant est rentré, il a appelé celui-là qui vient. Oui, je ne sais pas. Ils ont commencé à parler à leur langue là. Moi, je ne comprenais plus. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mm-hmm. Il est parti. Le soir, le papa est rentré. Mm-hmm. Rentré en prison. Oui, quand le papa rentre donc... Mm-hmm. Moi aussi, je descends. Mm-hmm. Pour aller au lac. Non, je ne descends pas pour aller au lac. Ils étaient assis derrière dans leur chambre, ils veillaient, ils buvaient le vin. Mm-hmm. C'est comme ça que j'envoie dans mon cousin qui allait les chercher ici. Mm-hmm. Il dit qu'il va encore leur prendre le vin. Mm-hmm. Ils veulent boire quoi maintenant? Mm-hmm. Il me dit, je dis, ils veulent boire la bière. Il va leur prendre un casier de bière. Il me dit, non, ils aiment les trucs qui piquent. Mm-hmm. Prends les kitoko. Mm-hmm. Les kitoko, c'est les petits whisky. Sachez whisky en sachet. C'est comme ça, donc il vient avec, il me donne. J'arrive où ils sont. Mm-hmm. Je leur donne. J'essaie la nourriture, je viens, je pose. Il me dit, ouais, ma fille. Donc c'est leur chef qui dit ça. Tu es gentille. Hein? Mm-hmm. Je dis, ah, le papa a dit qu'on s'occupe de vous. En parlant de ton père même. C'est le chef qui dit ça. Oui. Mm-hmm. Ton père même n'est pas simple. Hein? Mais donc, tu prends la chaise. Donc, attends, voilà, voilà. Donc, ils sont venus comme ça chez ton père, mm-hmm. croyant que ton père était un innocent ou mm-hmm. que quelqu'un est venu pour faire le poison dans oui, sa maison. Oui. Il vient maintenant enlever le poison, effectivement, que quelqu'un d'autre a fait, oui. sa première femme a fait. Il se rend compte que même ton père aussi a sa part dans la maison. Mm-hmm. Et ah oui. Il me dit, prends la chaise. C'est comme ça que je vais m'asseoir. On commence. On est là, viens. Ouais. Mais bon, on est là, elle. Bon, elle est là, grandie seulement là, mais on ne comprend pas le patois. Oui. Donc, c'est la différence qu'il y a entre elle et moi. Oh, oh toi, tu as parcouru les villages et le village de Malmayo. Je parle bien le patois. Oui. Je viens donc m'asseoir. On commence à causer. Après, un me dit, le chef me dit, en patois, il me dit, Anoudé, donc il me demande, elle est quoi pour toi? Je dis, réponds en patois que c'est ma petite sœur. Il me dit, elle n'est pas bien. Ah, le chef a dit ça? Oui. Il me dit, elle n'est pas bien et elle ne t'aime pas. Elle ne te veut pas du bien. Oui. Bon, je reste, je fais. Après, on est là. Ceci, c'est pas, tu dis que ça fait il y a ça là un mois. Deux mois. Deux mois. Mm-hmm. Il me dit. Donc nous sommes en mai, donc ça veut dire que c'était en mars, mm-hmm. avril. Entre mars et avril. Mm-hmm. Oui. Ils disent quoi? Ils disent que non, ils disent que. Donc, papa, on gens, est là, ne comprend pas le patois. Les gens ont trop dérangé le papa, que ça va aller. Tu as encore menti? Oui. Mm-hmm. Tu as menti pour te protéger. Oui, parce qu'il me dit. Donc, c'est là qu'il me demande que, est-ce qu'elle comprend ce qu'on dit? Je dis non, elle ne comprend pas. Il me dit c'est bien. Me dit ce n'est pas bien elle, mm-hmm. là où elle est là, elle n'est pas bien. C'est un enfant qu'on a tellement fabriqué que mm-hmm. en tout cas moi je ne peux rien. C'est l'enfant, c'est ton père qui connaît, mm-hmm. mais toi fais attention quand tu vis dans la maison. Si je dis je fais attention, comment il y a quoi? Me dit fais juste attention, mais si tu as ou parti, mm-hmm. quitte la maison si tu pars. Voilà, c'est comme ça. Donc celui-ci, mm-hmm. il quitte donc celui que je dis que le serpent a menacé. Celui qui était allé à la oui, il là. Repart au lac. Encore? Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. On entend seulement les cris. Il est déjà dans le lac. Hein? Oui, il est déjà dans le lac. Donc il est entré dedans. Oui, il se débattait. Comme ça qu'il commence à pleurer, pleure. Comme ça, donc le chef s'y part. Il entre dans l'eau. Il dit à ces gens que donnez-moi. Il avait un petit truc comme une petite canne. Mm-hmm. Petit. Il dit donnez-moi comme ça. Un bâton de commandement. Il dit donnez-moi ça. C'est comme ça qu'on lui donne, c'est comme ça qu'il vient. Il entre là. Lui-même, il n'est pas entré. Mm-hmm. Il a juste posé les pieds au niveau de l'arrivée. Oui. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il a mis le bâton dans l'eau. Il a commencé à parler en l'air partout. Là, il parlait. C'est comme ça que celui-ci, tu vois, comme l'eau bougeait. Mm-hmm. L'eau bougeait. Oui. J'ai déjà bagarré. L'eau est restée tranquille. C'est comme ça donc que celui-ci commence à venir, il remonte, il est sorti. Son rêve vraiment que tu es venu faire quoi? Si tu mourrais, tu allais dire quoi? Tu viens, tu vois quelqu'un avec sa chose, tu viens prendre ça, tu vas amener ça où? On dit, il voulait prendre quoi? On dit, on vous a dit que votre père avait quoi ici là, le serpent? Tu voulais amener le serpent de où? Directement, le pater a appelé. Directement. Oui, il demandait aux gens là de sortir de chez moi et de partir. Alors qu'il était en prison. Oui. Il a appelé sur quel téléphone? Il a le téléphone. Ah, il voulait, non, il voulait dire que... Le téléphone de mon cousin. Le cousin qui l'a envoyé. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc ça veut dire que l'esprit l'a averti en prison que oui, les gars sont allés au lac. Sont, oui, ils sont en train de me toucher ici. Mm-hmm. Il a dit à mon cousin que non, pourquoi tu les amènes comme vous êtes venus. Oui, quand celui-là criait dans le lac, il criait en quelle langue, de votre langue et non, il parlait leur pygmée. Leur langue de pygmée. Pygmée, oui. Uh-huh. Mais est-ce qu'il se débattait? Il se débattait comme si quelque chose était en train de voir. La vallée. Lui, il a donc tiré dans l'eau comme s'il voulait se noyer. Mm-hmm. Et l'eau faisait, l'eau, bon, comme là-bas, il y a les lumières. Oui. Tu vois comment l'eau allait de gauche à droite. Lui, au milieu. Lui, le milieu, il est fixe. Oui, mais l'eau est en train de bouger. Vois comment l'eau en train de ça, c'est en pleine journée. Non, c'était déjà après. Il était peut-être 21 moins. 21, ok. Oui. Uh-huh. C'était dans la nuit. Tu vois comment l'eau en train de bouger partout. Tu dis, qui c'est comment le type s'y fait quoi là-bas dedans? Qu'est-ce qu'il bouge là, comme ça? C'est quand le type s'est venu faire son truc avec le bâton, son petit bâton, que l'eau est restée tranquille. Uh-huh. Oui, et le type est sorti. Pourtant, le lac n'est pas tellement profond en tant que tel. Uh-huh. Donc, entre, ça peut personne, oui, ça peut arriver là. Au niveau des reins. Oui, quand on vit de ça, t'arrive là. Uh-huh. Oui. Mais lui, il se noyait le jour là, je ne sais pas. Mais ton père, dans tout le temps que tu as vécu là-bas, tu l'as vu descendre au lac. Oui, que chaque fois qu'il vient, il descend toujours là. Il fait quoi là-bas? Et je sais pas, il a deux choses. Quand il arrive, mm-hmm. il voit d'abord on est là. On est là, après, oui. Après, il descend au lac. Il descend là, chaque fois. Lui, il se balade, oui. Mm-hmm. Comme c'est grand, c'est vaste là-bas en bas. Oui. Il se balade, tu vois, il est là, il fait le tour des trois lacs, il est là, il regarde. Comme il y a les poissons dans l'eau. Oui. Moi, je me disais souvent qu'il regardait les poissons. Moi, ouais. Je me dis qu'il regarde les poissons. Uh-huh. Lui, il fait les tours, il est là, il est là. Il peut peut-être faire même plus d'une heure là-bas en bas. Oui. Après, il remonte. Il t'est arrivé de leur voir, d'essayer de guetter pour voir ce qu'il fait. Oui, une fois, parfois on vient souvent, on se place là, on regarde comment et ce qu'il fait là-bas. Il ne fait rien. Bon, moi je peux dire, moi je me dis. Mais il peut rester là, il est tranquille, mais il a de l'étranger, mais tu ne comprends oui. pas. Mm-hmm. Il ne fait rien de spécial. Bon, tu es là, tu regardes aussi, il ne fait rien. Mm-hmm. Il est là, il marche. Parfois il est là, tenu, il ne dit rien, il ne fait rien. Il est juste là comme ça, il est en train de regarder. Mm-hmm. Et il remonte. Maintenant, quand celui-là est venu sauver son acolyte, quand le chef des pygmées venait le faire sortir de là, mm-hmm. il est sorti, étant mouillé, oui. essoufflé. Oui. Qu'est-ce qu'il se disait qu'est-ce qu'il dit, raconte-nous la suite. Non, là ils sont partis, il n'a plus parlé, ils ont commencé à parler à leur patois, ils sont montés. C'est là maintenant où le coup de fil sonne. Oui, qui doivent partir. Et ton cousin, oui, les sommes des partis, ils sont partis cette nuit-là. Oui, ils sont partis cette nuit, il leur a donné l'argent, ils sont partis. Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a permis de comprendre il y a cela deux mois? J'ai compris que mon père, c'est parce que il est sorcier d'abord. Bon, et que la maison n'était pas bien. Et là, qu'est-ce que ça te fait donc de comprendre quelle est ton expérience avec les gens qu'on voit ici, avec les grosses maisons, grosses voitures, des dépendances, ou quand tu entends dire waouh, celui-ci est bien, qu'est-ce que tu as? Moi, je ne peux plus les envier. Mm-hmm. Les gens qui roulent dans les grosses voitures, là, les grosses maisons. C'est vrai que parfois, à un certain moment, la chair, si mm-hmm. tu combes un peu, tu dis ouais. Moi aussi, je veux rouler dans une voiture comme ça, mais après, tu te ressaisis, tu dis que hey, est-ce que j'ignore ce que ces gens font pour avoir ça? Mm-hmm. Je ne peux vraiment plus les envier. Mm-hmm. Non. Que Dieu te bénisse. Donc, tu vois tout ce que tu avais avalé hier, tu vois comment les gros morceaux sortent aujourd'hui. Y a-t-il des choses qu'il lançait souvent dans le lac? Bon, comme il a le poulailler là-bas. Mm-hmm. Parfois, on prenait souvent le poulet, on lance. Le poulet? Oui, on dit que c'est pour nourrir les poissons. Ça te semble quoi? Parce que dans son lac, lui aussi, je ne sais pas si vous connaissez le poisson qu'on appelle le kanga. Il y a un gros poisson. Non, je ne connais pas. Bah. C'est comme le requin, un petit requin. Non, c'est pas comme le requin, c'est... Ouais, je sais que je vais dire que c'est comme quel poisson. C'est comme un style de poisson serpent. Hein? Bon, pas trop serpent, c'est un poisson, mais c'est juste que il grossit un peu, il devient vraiment énorme quand il a déjà 1000 ans. Oui. Oui. Et tu le voyais souvent? Oui, on le voit souvent. Mm-hmm. Il monte là, il monte, parfois il repart, je me dis qu'il vient prendre un peu les... Oui, uh-huh. Et il repart. Mm-hmm. Oui. Et le poulet, vous lancez le poulet comment vivant? Oui. On lance le poulet vivant, le poulet commence à nager là dans l'eau. Bon, tu vas rester là. Donc, tant que tu es là, tu regardes encore, rien ne se passe. Oui. Mais dès que tu. Tu vas te distraire, tu te pars. Quand tu reviens, il n'y a plus le poulet. Est-ce que c'est normal quand on nourrit le poisson avec un truc vivant? Avec le recul maintenant. Hein, ma soeur? Qui est-ce que ton père nourrissait? Je ne sais pas. Et il donnait ça chaque fois le poulet, comme ça, chaque fois le poulet. Mais oui, parfois, peut-être quand un poulet meurt, on prend le cadavre, on jette aussi la main. Après, vous ne voyez plus ça sur lui. Je ne vois plus le cadavre, le poulet. Ça disparaît. Et parfois aussi, ce qu'il faisait souvent, il avait un truc. Il monte avec les alvéoles d'œufs dans sa chambre. Oui. Oui. Les œufs de ces poulets-là. Oui, les œufs du poulet, parce que la majorité, c'était aussi les poulets du village. Il monte avec les œufs dans sa... Il peut même monter avec 3 ou 4 alvéoles. Oui, et un alvéole de beaucoup d'œufs, souvent dans les 30 œufs. Oui, et il n'est pas là, il est en prison, lui, il ne vit pas à la maison. On monte avec, on pose ça dans sa chambre. Oui. Sa chambre est fermée. Oui. Quand il va revenir, peut-être le lendemain ou après-demain. Oui, comme tu as dit, avec... comme tu as vu, 4 fois passe. On vient, on descend, il fait descendre les alvéoles, il n'y a plus les œufs à l'intérieur. Ça devient vide. Oui, les alvéoles sont vides. Tu te demandes qui a fait comment. Peut-être qu'il est parti avec ses œufs là où. Donc il descend, il garde ça dans sa chambre. Oui, il ferme la chambre. Et quand il va en prison, vous voyez comment il part. Oui, il part. Il n'a pas ses œufs là. Non, bon, il avait souvent le sac. Il a toujours son gros sac qu'il a sur lui là. À dos, au dos. Oui. Et non, pas un sac à dos, les sacs avec bandoulière. Ok, un peu comme le sac traditionnel des notables. Oui. Et là maintenant, quand il part. Ça ne peut pas porter tous les œufs, on ne peut pas porter les œufs comme ça. Non. Quand il revient, il porte les adhérents, les avions de la CC vide. Je vous demande d'aller au poulailler. Charger encore. Qu'est-ce qui se passe dans sa chambre? Et dans sa chambre, au niveau des toilettes, oui. Il y a un endroit. Oui. Il n'y a pas les carreaux. Il n'y a pas les carreaux? Oui. Donc on a laissé le carreau exprès. Oui, il n'y a pas le marbre. Bon, parce que dans sa chambre, c'est le marbre qui est un peu partout. Oui. Il y a un endroit où il n'y a pas le marbre. Oui. Un endroit dans ses toilettes. Oui. Donc il y a, c'est juste la terre. Oui. La terre. Oui, la terre. La terre qui est encore piétine dehors. Là. Oui. Oui, il n'y a pas le marbre. Sur le mur ou au sol? Au sol. Et c'est à l'étage? Oui, c'est à l'étage en haut. Comment la terre fait pour être là-bas? Je ne sais pas. Parce que si c'est à l'étage, ça veut dire que, est-ce que si c'est sur la toilette, ça veut dire que normalement on doit avoir d'aller la maison. Oui. Mais il y a la terre. Oui. Et cette terre-là est comment? La terre, comme la terre rouge de Yaoundé là. Bon, comme la, c'est une terre un peu mélangée, comme si... C'est une terre comme si on a travaillé la terre, comme si on allait planter quelque chose. Ok, comme si c'est une terre qui est arrosée de temps en temps. Oui. Et elle est toujours humide. Humide. Oui. Et apparemment, sa douche, sa toilette doit être vaste. Je dis que ça, c'est tellement grand. Et là-bas, qu'est-ce qui rend ça humide? Je me dis que c'est l'eau. C'est l'eau. Et lequel le but pour lequel ça doit être là? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Quoi d'autre de spécial dans sa chambre que tu as remarqué? Bon. Dans la rose croix, il était aussi dans la rose croix. Parce qu'il y avait un livre dans sa chambre. pour la rose croix, je ne sais pas. Mais ça, là, au moins, c'est la pratique des magies, des sorcelleries. Oui. Je ne sais pas que tu sais que c'est courant. Oui. À un moment. On est là. Oui. À un moment, elle me disait souvent que. Elle me dit, mais ça, oui. Tu as envie d'invoquer le diable. Pardon? Tu as envie de. Pardon, invoquer le diable. Allez, nous parlons maintenant. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. Et on est là à quel âge? On est là à presque 23 ans. 23 ans? Oui. Et elle te demande si tu as envie d'invoquer le diable. Elle dit ça de sa propre bouche. Oui. Je lui dis, on invoque le diable comment? Donc c'est comme ça qu'elle me dit que le pâté a un livre dans sa chambre. J'ai lu ça. Elle a pris le livre. Comment elle peut avoir le livre? Puisqu'elle a accès. Dans sa chambre? Oui. Mm-hmm. Elle me dit que j'ai pris le livre, j'ai lu. On te dit comment faire, comment tu fais. Et il vient. Tu l'appelles, il vient. C'est terrible. Et tu n'as pas posé la question si elle a déjà eu affaire? Un jour, elle m'a demandé. Elle a dit qu'on essaye. Ah, que vous allez à deux? Oui. Ton cœur a fait comme ça, bon, mon cœur a fait beaucoup, mais la curiosité, moi aussi, oui. Raconte-nous. Un peu encouragé à partir. Ouais, tu vois, voilà ma femme qui allait se coucher là. Elle m'a encore abandonné. Non, elle ne dort pas, elle est juste. Tu es dépassé comment? Avec dans ce ministère, tu vas entendre des choses. C'est toi qui es venu, non? Pas ça que j'entends. Ok. Bon. Nous sommes partis. Vous êtes partis où? Dans la chambre. Mélissa, tu vois effectivement que hier, au fur et à mesure, c'est pas que tu as fait ça exprès de garder. Tu vois qu'au fur et à mesure qu'on est en train de causer, les choses sont en train de sortir. Mm-hmm. Vous êtes allé dans quelle chambre? Dans la chambre d'Oliva. Oui. Oui. Elle est allée dans la chambre du papa. Oui. Elle a pris ses bougies rouges. Oui. Elle a pris. Bon, elle n'a rien dessiné sur le sol, elle a juste fait. Et un là, cercle avec les bougies. Oui, elle a tracé les bougies oui, au sol. Elle a tracé, elle a allumé, elle a fait un grand cercle. Mm-hmm. Elle a pris une bassine d'eau. oui. Petite Bassindo. Oui. Elle a posé. Oui. Elle a pris le miroir. Elle a posé à l'intérieur. À l'intérieur du cercle. Et vous, vous étiez où? À l'intérieur du cercle. Mm-hmm. Elle a pris la Bassindo. Tu voulais seulement voir ce qui va se passer. Oui, je voulais voir ce qui va se passer. Mm-hmm. Elle a pris le miroir, elle a posé. En dedans, elle avait le livre là. Oui, elle avait le elle, livre. Elle regardait, elle faisait. Oui, elle, elle faisait ce que le livre disait. Oui. Elle a pris le miroir, elle a posé devant nous. Oui. Elle, comme on avait les chats à la maison. Oui. Elle me dit, il faut qu'on arrête, on a arrêté. Bon, comme les chats de la maison avaient les noms. Oui. Serena, elle me dit que comme on ne peut pas arrêter Serena, on va arrêter son enfant, comme le bébé était encore petit. Le bébé, oui. Vous pouvez le maîtriser. Oui, on est parti en bas, on a arrêté le bébé de Serena. Vous avez dit que Serena vient, c'est le bébé Serena venait oui. Vient. Le bébé de Serena est venu. Nous sommes entrés dans la chambre, on a refermé la porte. Mm-hmm. Elle m'a dit, bon, maintenant on va éteindre la lumière, on va seulement rester avec la bougie qui est allumée. La lumière des bougies. Oui. Elle a encore. Et commencé. Là, tu voyais toutes ces choses dans la gare. Oui, je voyais. Mm-hmm. Elle m'a dit, attends, j'allais oublier quelque chose. Je dis quoi? Elle me dit, non, attends. Attends, reste ce matin. Je dis, non. Bon, à un moment, la peur m'a aussi pris quand je voyais les gens. Elle dit que non, allons, nous sommes partis dans la chambre. Donc, si vous allez chercher quelque chose, vous allez ensemble. On va ensemble. Oui. Nous sommes entrés dans la chambre du papa. Attends, tu fais ça, c'est si, se passe quand? Non, ce que tu as de raconter là, c'est quand? Là, ça s'est passé. Longtemps, c'est. Ça fait quand même des années. Des années. Oui. Ok, donc c'est pas maintenant récemment parce que j'allais poser la question que, mais ayant connu que toutes ces choses se passent dans la maison, ayant connu que on est là comme ça, déjà, est-ce que tu étais au courant qu'elle avait les choses à Non, je n'étais pas au courant. Donc, c'était avant. Oui. Avançons donc. On parle donc. Elle me dit, attends, j'allais oublier un truc. J'ai dit, tu allais oublier quoi? Le papa a souvent une croix là. Mm-hmm. Oui, c'était en or. Une croix en or? Oui. Oui. On est parti. Comment il fait pour savoir tout ça? Et toi, tu es à la maison de la grâce, tu ne connais pas je tout ça? Je ne connais pas, oui. On part donc. Donc ça veut dire que elle fait soit l'initiation avec son papa? Je ne sais pas. Là, je ne connaissais encore rien. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qui se passait. Mm-hmm. On est parti, on a pris la croix, on est revenu. On a encore refermé la porte. Oui. Nous sommes entrés dans le cercle. Oui. C'est comme ça donc on arrête le chat. Oui. Elle me dit pose ta main sur le chat, je pose ma main. Donc elle a posé la main, j'ai posé la main. Oui. Elle a mis un pied dans l'eau, elle a mis un pied dans l'eau. Oui. Elle a commencé à lire. Oui. Oui, à lire les trucs qui étaient sur les livres. Oui. On a dit que quand on veut faire ça, après il faut faire cette position que vous avez prise. Oui, la position qu'on avait prise. Oui. Et quand vous faites cette position, il y a les incantations à faire. Oui, quel était le contenu de cette incantation? On disait quoi? Je ne m'en souviens pas. Bon, il y avait un nom d'un ange, d'un esprit. Donc, il ne fallait pas prendre et on invoque. Elle disait quoi en patois, c'est en français ou c'est quoi? Non, à un moment, c'était en français. À un moment, là, elle a commencé à lire une langue là. Je me suis dit que bon, peut-être elle a l'habitude de lire le livre. Attends. Donc, elle a commencé à parler en français. Oui. Subitement, elle a commencé à parler. Oui, là, c'était écrit. Uh-huh. Une langue bizarre, les écritures étaient bizarres. Uh-huh. Bizarre. Elle a commencé à lire. Oui. Oui, elle lisait la langue. Automatiquement. Elle lisait. Ça coulait comme c'était le français. Ça coulait comme. Donc, c'est pour ça que je suis restée. Que la fille, c'est l'habitude. Elle dit, montre un peu. Je regarde. Je dis, ça, c'est encore écrit. Elle me dit, laisse-tu déconcentre. C'est comme ça, non? Oui. On commence à lire. Mm-hmm. À un moment. Toi, tu entendais, tu comprenais oui. Ce que tu avais dit. Il voulait non, dire, je ne comprenais tu entendais seulement le son. Le son, elle prononçait, elle faisait les trucs. Elle essaie d'imiter voix. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle a commencé. Bon, elle parlait. Est-ce qu'elle prononçait comme si c'était le français qu'elle se prononçait? Oui. Elle dit qu'elle lisait comme si elle avait l'habitude de lire ça. Oui. Oui. Ok. Et qu'elle comprenait ce qu'on disait. Donc, ça veut dire une partie de l'incantation était en français, une autre oui, était une autre langue. Une autre langue. Mm-hmm. On commence donc à un moment, les bougies, les flammes de bougies. Les flammes de bougies commencent à bouger. Alors que vous avez fermé toute la porte hermétique. Tout est fermé hermétiquement. Les flammes des bougies commencent à bouger. L'eau commence à faire comme si la température. Oui, comme si la température montait. Je dis, on est là, me dit, tais-toi, calme-toi. Parfois, on est là, me. Commandait comme donc quand on est là me dit de faire un truc je fais sans réfléchir elle parlait ça avec autorité oui. Mmh. Et je faisais j'arrive là pour te laisser continuer lorsqu'elle disait en français le contenu est en français voudrait dire quoi même si je ne dis pas mot pour mot dans qu'est-ce qu'on demandait dans la partie l'extrait qui était en français qu'est-ce qu'on donc, disait bon je peux dire que en français ça disait que si tu m'invoques avec que soit tout ton esprit si tu et ton âme de ton cœur oui, je serai là et je vais te donner ce dont tu as besoin c'est ce que ça c'était le contenu disait ce que ça pouvait dire oui Ok, avançons maintenant. Donc, l'eau commence à changer. Oui, la température, donc, c'est comme si la température de l'eau montait. Mm-hmm. Le chat commence à crier. Et vous avez votre main sur le chat. Oui, on a la maman sur le chat. Pourquoi il a utilisé le chat? C'était écrit dans le truc là, un animal. Vous l'avez dit dans le rituel. Oui, on utilise un animal. Oui. Oui. Et on a précisé. Uh-huh. Donc on a précisé l'animal qu'on doit utiliser parce qu'à la maison il y avait toujours les chats. Uh-huh. À un moment les chats disparaissaient, on ne savait pas où les chats partaient. Bon, on a, le chat commençait à crier, Et le miroir, donc comme le miroir était devant nous, uh-huh. un reflet a commencé à venir sur le miroir. Donc c'est comme si quelqu'un venait. Quand je soulève les yeux pour regarder au niveau du miroir, uh-huh. je vois comme s'il y a. Donc les yeux brillaient au niveau du miroir. Oui. C'est comme les, ça que. Dans le miroir, il y a les yeux. Les yeux étaient comment? Les yeux étaient comme si on a allumé le feu. Dans les yeux. Oui, dans les yeux. Oui. C'est comme ça que j'ai seulement crié que Seigneur Jésus. Quand j'écris Seigneur Jésus, mince, on est la main giflée. Je ne sais pas comment la giflée dans le cœur. Donc quand je vois. Attends, doucement. C'est ton histoire, mais laisse-moi participer un peu. Mm-hmm. Qu'est-ce que, à ce moment-là, tu connais Jésus comment? Je ne sais pas comment j'ai. Bon, parce que ma grand-mère me disait souvent que quand tu as peur, quand tu te retrouves devant un truc qui te fait peur, que tu sais que ici je vais mourir, appelle Dieu, appelle le Seigneur, il va venir à ton aide. Et là, est-ce que tu as réfléchi pour que ça sorte? Je n'ai pas réfléchi. C'est sorti comme ça. Mais donc, quand j'ai vu, ça m'a fait peur. Oui. Et le chat pleurait déjà. Oui. Et l'eau me fait. Donc, je ne sais pas. Donc, l'atmosphère avait changé. Oui, l'atmosphère avait changé. Et là, subitement, c'est sorti de ta bouche, Seigneur Jésus. Oui, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi, c'est comme ça que je jette le chat. Au moment où j'enlève ma main sur le chat, on est là, mal giflé. Tu as entendu un gifle terrible. Je ne sais pas si c'est on est là. Je ne sais pas si c'est on est là qui m'avait giflé. Ou c'est le miroir ou la main qui m'avait donné du miroir. Je ne sais pas qui m'avait giflé. Mais la main qui m'a giflé, mm-hmm. quand je suis restée tranquille, ce n'était pas la main de on est là. Ou on est là. Bon, on est là, devrait normalement avoir le livre entre ses mains. Oui, le livre et le chat, parce que moi j'avais derrière les mains. Voilà. Il doit avoir, une main sur le chat et une main sur le livre. Oui. Donc forcément, ce n'est pas Ronel qui t'a giflé. Je ne sais pas. Puisqu'elle ne peut pas, elle ne peut pas laisser le rituel. Le rituel dit qu'il faut que la main soit sur le chat. Oui, comme elle est mona. Bon, je me suis dit que comme on était dans la chambre, rien, juste elle et moi, c'est elle qui m'a giflé. Tu as dit que c'est elle qui t'a giflé. Oui. Et la gifle était comment? C'était bien. Ça m'a touché. Donc, la gifle là m'avait vraiment touché. On m'a giflé, j'ai ressenti la gifle, j'ai dit mince. Oh non, là, tu me gifles, je t'ai fait quoi? Elle est restée tranquille, elle me regardait. Elle me dit, je ne vais plus jamais faire un truc avec toi. Oui. Je dis comment? Elle me dit, non, je ne vais plus jamais faire. Est-ce que tu sais ce que? Est-ce que tu sais les problèmes que j'aurai après? Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait là? Je dis. Donc ça veut dire qu'elle était, elle connaissait ce que c'est. Oui. Passé. Est-ce que tu sais ce que tu m'as fait faire? Je dis, j'étais fait faire quoi? Quand tu sais que tu ne peux pas supporter un truc, ne viens pas. Je dis, moi, tu as dit qu'on faisait une expérience. Moi, je savais que toi aussi tu n'avais jamais fait. Moi, je n'avais jamais fait. C'était une expérience qu'on allait faire, non? Elle me dit, non. Quand tu commences un truc, il faut finir. Mm-hmm. Il fallait t'engager jusqu'à la fin. Je dis, ah. Oui. Toi, tu n'as pas vu ce qui venait devant le miroir là. Tu n'as pas ressenti tout. Elle me dit, Aka. Toi, tu es vraiment, tu m'énerves même, tu m'énerves. Mm-hmm. Pas même dans ta chambre. Là, c'est dans la... Vous avez allumé la lumière. Oui, on avait déjà allumé. Je ne pouvais plus rester dans le noir. Oui. On avait déjà allumé. Et les bougies sont stabilisées. Tout est revenu en ordre. Les bougies, la flamme ne bougeait plus. Tout et le chat... Le chat est resté tranquille. Uh-huh. C'est comme ça donc, que je dis, pardon, donne-moi le chat là. Uh-huh. Donc j'arrache le chat de Kanti. Qu'est-ce que je voulais même faire? Pardon, donne-moi l'enfant de Serena. Oui. J'arrache donc. J'arrache le bébé de Serena. Je redescends en bas, je commence à parler au chat. Il dit, Kanti, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'ai voulu faire au chat de trouver? Seigneur, qu'est-ce que j'aime? Qui j'allais même invoquer comme ça? Donc j'ai commencé à réfléchir. Mm-hmm. Et de Dieu était derrière dans ma bouche que Seigneur, qu'est-ce que j'allais faire? Seigneur, qu'est-ce que j'allais même te appeler qui? Seigneur, qu'est-ce qui allait même sortir? Après, on me dit, pourquoi tu n'as même pas laissé que le truc là vienne? Après, un autre gars me dit, pourquoi? Si ça venait devant toi, tu es sûr que tu allais supporter? Je suis descendue, j'ai laissé l'enfant de Serena, je suis remontée, je me suis enfermée dans ma chambre. Oui. Alors maintenant, je vais revenir, on va revenir point par point sur ces événements-là. Vous êtes dans la chambre d'Hélène, de Ornella. Mm-hmm. La porte est fermée, vous mm-hmm. faites le cercle avec elle. Elle fait le parce que toi tu oui, ne connais pas moi, ce qui se passe. Pas. Elle lit le livre, elle fait le cercle. Elle met tout, le chat, le miroir, les dispositifs sont là. Uh-huh. Le rituel est engagé. Elle commence à lire en français. Oui. Puis elle parle à une autre langue que tu ne connais pas. Et que normalement tu ne sais pas qu'elle puisse parler. C'est puisque d'après le premier témoignage, tu avais dit qu'elle a fui l'école très tôt. Uh-huh. Donc elle ne peut pas avoir appris ça quelque part à l'école. Maintenant, elle le dit de façon constante, de façon rituelle, de façon régulière. Oui. Et subitement, une présence se manifeste dans le miroir. Donc, oui. Le miroir avec quelle forme, par exemple, avec quelle grandeur? grossesse. Comme la grossesse, c'est miroir-ci. Oui. Et l'être que tu as vu apparaître là-bas était comment? C'était un visage d'homme? Comment? Pour dire vrai, je n'ai pas vu un visage. Oui. Donc, c'est ça, ce qui a attiré mon attention, c'est que bon, le miroir, c'est vrai qu'on était dans le noir. Oui. Mais c'était comme s'il y avait... Le feu. Non, les yeux. Oui. Juste les yeux en feu. Mais quand les yeux étaient là, c'était comme s'il y avait quelqu'un devant le miroir. Oui. Mais je ne voyais personne, je voyais juste au niveau des yeux. Des yeux de la personne. Oui, les et la yeux. Personne avait apparemment quelque non, corps. Le miroir était noir. Oui. Je ne voyais rien. Oui, mais tu vois seulement les yeux au travers oui, du miroir. Oui, au travers du miroir. Le miroir était noir, je ne voyais rien. Mm-hmm. Oui. Et on est là avec les yeux fermés. On est là, non, puisque c'est elle qui lisait. Oui, et là, elle a vu cette présence. Je me dis qu'elle l'a vu. Mais quand elle était sans fauteuil. Oui, je me dis qu'elle l'a vu aussi, la présence. Et là, Seigneur Jésus est sorti de ta bouche. Oui, Seigneur Jésus est sorti, je n'ai même pas réfléchi. Seigneur Jésus, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Sauve-moi, puis j'ai comme ça que j'enlève mes pieds. Je regarde le truc directement aussi, on me gifle dans le noir. Tu entends une gifle qui attriche, non? Oui, on m'a giflé dans le noir. Je dis, on est là, pourquoi tu me gifles? Allume. Bon, je pose encore la question. Vous étiez face à face. On est les mois. Oui. On était face au miroir. Donc, vous deux, vous faisiez face au miroir. Oui. Histoire de voir qu'on en allait pour voir quelque chose. Mm-hmm. Vous étiez face au miroir quand oui. ça se passait. Elle donc, était le miroir est là devant nous. Oui. Me voici. Vous êtes dans un même cercle oui, et dans la même lieu. Oui. Tu es censé toucher une partie de chat, elle est censée toucher une partie de chat. Oui, avec la main droite. Avec la main droite et ta main gauche était libre. Lui, la main gauche est libre. Et le pied droit conséquent... est dans l'eau, oui. la main droite est sur le chat. Et par conséquent, ces deux mains doivent être occupées. Puisqu'elle a une main qui arrête le libre oui. et une autre main qui touche sur le chat. Qui touche le chat. Voilà. Maintenant, la gifle, elle, par rapport au miroir, on a été à quel côté de toi? Elle était à ma droite. Elle était à ta droite. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et puis, la gifle, on t'a giflé quand tu te rends compte sur quel jour? La gifle m'a pris du côté gauche. Et on était à ta droite. Oui. Tu vois effectivement que quelque chose ne va pas. Parce que pour que quelqu'un, je suis analyse, pour que tu vois que c'est une autre personne qui t'a touché par on est là. Si on est là, elle est à ta droite, pour qu'elle puisse te gifler à ta joue droite, à ta joue gauche, il faut qu'elle se situe exactement en face de toi pour que tu entends ce genre de gifle au devant de toi. Tu es un peu cela? Oui. Ma soeur est bien aimée, viens. On va faire ça avec ma femme pour que tu puisses comprendre un peu ce que je dis. Oui. Lève-toi, tiens-toi ici par exemple. Voilà. Tu vois que moi, je suis. Bon. Reste à sa droite. Donc, voici la position que toi, tu étais avec Onela. Avec Onela. Voilà. Oui, donc, vous êtes en train de faire le rituel. Oui. N'est-ce pas? Oui. Là où je suis, c'est comme si c'était le miroir. C'est le miroir. Oui. Et subitement, tu fais le. Tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Oui. Tu entends. Oui, sur ton visage, sur ta joue. Entre temps, quand tu entends tam, on est là, il se trouve où? Comment on est là à peut-être gifler sur la joue droite étant à ta droite? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Avec le livre qu'elle avait, avec le chat qu'elle avait. Mm-hmm. Tu comprends que quelque chose ne va pas? Mm-hmm. Donc vous n'étiez pas seul. Mm-hmm. Parce que si la gifle apparaît mm-hmm. ici, là, bam, mm-hmm. juste parce que ta tête va du côté de on est là, mm-hmm. ça suppose que la personne qui t'a giflé se trouve devant toi. Yes. Donc c'est l'être qui était dans le miroir qui l'a fait. Et elle a bien ressenti. C'était ça t'a pénétré, la gifle là t'a bien pénétré, n'est-ce pas? Mm-hmm. Courage, viens t'asseoir ma soeur, viens t'asseoir. Ah, le monde des ténèbres. Donc tu vois effectivement dans la première partie, il y a des choses. Tu as participé effectivement. Mm-hmm. Et Dieu t'a permis que tu arrives à ce niveau pour voir les profondeurs de votre famille. Les gens avec qui tu vis, la maison, enfin que tu comprennes comment la vie s'y fonctionne. Mm-hmm. Mais sa grâce et sa miséricorde sur ta vie. Après cette expérience, est-ce qu'il y a encore eu des désespérances que tu as eues? Je n'ai plus jamais fait. Tu avais mis la croix là-dedans. Oui, j'ai dit que c'est un pardon. Je ne veux même plus jamais faire un truc comme ça. Je ne peux même plus jamais. Et depuis, quand vous avez fait cette nuit, ces jours-là, mm-hmm. tu n'as jamais eu un mauvais rêve ou des présences bizarres? Non. Oui. Je n'ai pas eu un mauvais rêve parce que, bon, à cette période-là, je me disais que je priais. Mm-hmm. Oui, je priais comme ma grand-mère m'avait appris à prier. Après, je finissais par notre père. Mm-hmm. Et oui, je me couchais. Je n'ai pas eu. Rien ne m'a dérangé. Oui, mm-hmm. ça allait. Okay. Que le Seigneur te bénisse. Mm-hmm. Et se voir que tu es soufflé, on peut arrêter encore aussi. Si non, c'est juste la chaleur. Mm-hmm. Ça va. Je suis désolé parce que notre doigt là chauffe, Yaoundé, c'est pas le climat, si, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ouais. Mais ça va. Que Dieu te bénisse. Mm-hmm. Tu as déjà déjeuné? Je jeûne aujourd'hui, non. Ah. que le Seigneur te bénisse, d'accord. Mm-hmm. Mm, ça va aller. Ça va aller. Mm-hmm. Quand tu seras libre, tu vas dire Alléluia à Dieu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ce que tu vas faire là, dans ce réflexe-là, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit dans la Bible comme ça. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mm-hmm. Et ce nom-là, lorsque c'est invoqué par le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il y a effet. Amen. remarque bien tout à l'heure, tu as dit qu'on est là, dit que elle n'aime pas quand il vient chez Serge, là, elle fait des trucs de Jésus, Jésus, Jésus. Tu remarques, elle a un esprit en elle, mais elle dit Jésus, Jésus, Jésus. C'est pour ça que les faux pasteurs peuvent prêcher sur Jésus. Oui. Les satanistes peuvent parler de Jésus. Mais lorsqu'on l'invoque par le Saint-Esprit, c'est différent. Amen. Quand quelqu'un qui est loin de l'Esprit de Dieu invoque le nom du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, ça a l'effet dans notre camp. Sinon, le nom du Seigneur Jésus devient un rituel. Ou qu'on dit, j'ai pris au nom du Seigneur Jésus. Ça n'a pas d'effet. J'ai fait ceci au nom du Seigneur Jésus. Ça devient un truc mécanique. Ça doit être possible. Une fois, on m'a amené chez Tchali Somba. Tchali Somba. Oui. Raconte-nous. Qui t'a amené? Je peux dire. Une voisine. Oui. Oui. La voisine de. La qui voisine de. Je vais dire, je sortais avec un gars. Oui. Oui, donc la fille habitait, la fille était la voisine du gars. C'est comme ça, donc un jour j'arrive là-bas. Bon, c'est vrai que la parole aussi, moi-même, je ne voulais pas. Le gars voulait l'enfant, moi je ne voulais pas. Comme d'accord, le gars lui dit que j'ai vu, tu es parti chez Talisoma, tu as porté la grossesse de ta fille ici. Amène un peu Mélissa là-bas, je veux que Mélissa accouche. Attends, c'est le garçon avec, qui veut sortir avec toi, oui, avec qui tu sortais. Il a une voisine. Oui. Et cette voisine-là va chez Talisoma. Et elle est mariée. La voisine, son mari était soit en Suisse, soit en Suisse. Oui, son mari n'était pas au Cameroun. Et elle vit ici seule. Oui, elle vivait ici. Oui. Et elle a fait comment pour avoir l'enfant alors? Bon, son mari, comme il vient souvent. Oui, ok, il vient souvent. Okay. Oui, elle est venue, elle a porté la grossesse, elle est là accouchée. Ok. Donc, et elle fréquente Tchala Somba, le va et raconte. Oui. Donc, elle a bon pour raconter. Oui. Elle vient te raconter, oui. Elle me dit qu'aujourd'hui, il y a prière. Là, tu es allé chez ton gars. Oui, je suis chez lui. Nous sommes proches de l'aéroport avec les avions là. Oui, donc tu vas. Attends, tu dormais chez le garçon? Oui. Tu quittais la maison? Oui. Et le garçon, tu racontais au moins. Tu n'as rien raconté à ton garçon? Non, mais rien. Il a fait comment? Vous êtes loin? Tu as fait comment pour le rencontrer? Il a fait comment pour te rencontrer? Non, mais bon, je l'ai rencontré à la venue Kennedy. J'allais acheter un téléphone. Il t'a vu, il a dit fufu. Il t'a dragué une fois. Tu as tout accepté. Et vous êtes donné à nouveau. Est-ce que les garçons savent ce qu'ils font ici dehors? Ma soeur. Non, pas. Ok, donc tu acceptes, tu as eu des rendez-vous, maintenant vous êtes ensemble, oui. Et là maintenant, elle veut un enfant. Oui, elle veut qu'on fasse un enfant. Sans te marier. Oui. Et toi tu dis que si tu veux, viens m'épouser. Bon, c'est vrai que moi je ne pouvais pas lui dire que non, je ne veux pas d'enfant. Moi je ne veux pas. Je n'ai pas de problème pour concevoir, mais c'est juste que je ne veux pas. Oui. Et lui il se disait que tu as un problème. Oui. Okay. Il se disait que j'avais un problème. Non. C'est comme ça, donc la fille m'amène. Attends, il reste à la maison. Il dit à cette voisine-là de t'amener chez Tchala Somba. Oui. Pour que Tchala Somba arrange ton ventre, pour que tu reviennes coucher avec lui qui n'est pas marié avec toi et que tu accouches. Ok, allons-y, le scénario. On part donc. On arrive à la prière. On vendait les bouteilles d'eau là-bas. On vendait que bouteilles d'eau? L'eau minérale. L'eau minérale. Le plus grand, là, ou le plus petit? Les 1 litre, 1,5 litre là-bas. Oui. On vend une bouteille à 1000 francs. Oui. C'est comme ça, donc on me demande d'acheter une bouteille. Attends, dès que tu entres au culte, oui, on demande d'acheter une bouteille avec un petit mouchoir. Avant d'entrer? Oui. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. C'est la voisine qui t'a amené à acheter? Oui, elle avait acheté. Et elle est fréquente là-bas chaque fois? Oui. Et chaque fois qu'elle part, elle entre, elle achète? Oui. C'est pas croyable. Avançons. On entre donc. On commence à prier. Bon, il commence. Avant de prier, il parle. Bon. Le seul truc que j'ai remarqué là-bas, c'est que lui prie tout au long de sa prière, tout son truc qu'il faisait, il disait seulement au nom du Dieu que je sais. Il n'a jamais dit au nom de Jésus. Bon, ça attire d'abord mon attention que pourquoi le type, si lui il est touché, et tous ses fidèles ont déjà appris ça, que le Dieu de papa, le Dieu que papa sait, oui, le Dieu de papa. Je demande à ma voisine Kéké, comment le type, il sait même quel Dieu, depuis là, lui, il dit seulement au nom du Dieu que je sais. Oui. Moi, je sais que sur terre, ici, chacun a son Dieu, il y a trop le Dieu. Oui. Et depuis là, il dit le Dieu que je sais. C'est comme ça, donc, il commence, il dit, bon, les gens qui ont les problèmes, approchez ici devant. Bon, les gens commencent à s'approcher, les gens s'approchent pour poser. Il y a le monde. Oui, il y a le monde. Oh, on te chiffle pas et tout. On te gifle pas, tu tombes, tu ne sais pas. On gifle pourquoi? Quand t'enlèves le mauvais esprit. Et on te gifle seulement. On ne bon, pas dire qu'il impose la main, mais il chiffre. Parce que quand ça arrive à mon c'est Tchala Tchumba lui-même qui fait. Hein? Oui, avec ses gens. Il gifle. Oui, il te dit qu'il te pose les mains, on te pousse la tête, on pousse. Mm-hmm. Au moment où ça arrive, donc à mon tour, je n'étais pas moi là. Mm-hmm. J'arrive. Il me dit, ma fille, faut que tu saches que ton Dieu t'a délivré. Ah, amen. Oui, la voisine qui t'a amené là. Oui. C'est moi qui t'ai dit ça. Oui, que Dieu m'a délivré. Il me dit, je vois un esprit de python en toi. Tu as le python dans ton ventre. Je dis, hey, Seigneur, le quoi? Le python. Non. Je reste tranquille. Je dis que mon Dieu, moi, je ne peux même pas accepter d'avoir un truc comme ça. C'est comme ça, donc, on commence à me taper sur la tête. Qui te tape? Ça, les Somba. On me tape. Je te délivre. Manifeste-toi. Manifeste-toi au nom du Dieu que je sais. Manifeste-toi. Je suis là. Je regarde. Mm-hmm. Je dis, qui? Le type, si. Après, il enlève la veste, il dit l'esprit veut résister. Mais il y a les caméras qui se passent. Il y a les caméras, tout le monde. Donc, imagine un peu que. Donc, comme ils avaient, je ne sais pas, ils prenaient Tchala Tchumba comme leur Dieu. Oui. Tchala Tchumba te touche. Il dit que tu as l'esprit du python en toi. Oui. L'esprit refuse de se manifester. Donc, tout le regard était sur moi. Oui. Et même les autres qui étaient là, venus, étaient à partir. Oui. Même ceux qui avaient le problème s'attendaient d'abord que voyons, son cas est grave. Oui. Il enlève la veste. Comme est-ce? Parce que même sa femme est pasteur. La femme de Tchala Tchumba. Elle aussi pasteur. Oui, maman, elle a un nom là, maman quoi. Après, il dit à sa femme que viens en renfort. Elle est là assise, elle est là comme Chantal Biya. Oui. Elle a toujours les greffes, elle, les brunes, les ceci, les... Elle descend là. Elle comme lui, comment Chantal Biya, oui. Elle est la première dame de Vaille raconte. Oui, première dame de Vaille raconte. Comme elle avait les talons, oui. Elle a d'abord enlevé les talons, on lui a donné les babouches, elle arrive. À l'intérieur de l'assemblée. Oui. Elle venait en talons, mais pour la chose. Oui, comme on a dit que mon esprit, l'esprit ne veut pas se manifester. Oui. Oui, elle enlevait, viens, commence à prier, on me gifle de gauche à droite, manifeste-toi au nom du Dieu que je sais. Là, maintenant, c'est Tchala Tchumba et son mari. Et sa femme, oui. Au nom du Dieu que je sais. Et on envoie le feu sur toi. On disait qu'envoyer le feu sur elle, son esprit, son piton là, il résiste. On envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit te brûle, que le feu. En dedans, ta voisine, ma voisine est là, moi je suis là, je l'ai regardée. Et en dedans, quand tu les voyais, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui se passait en toi? Tu dis, je disais dans mon cœur que pour dire vrai, Dieu n'est pas ici. Mm-hmm. Oui, c'est ce que mon cœur disait. Que, oui. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? On t'a amené. Dieu n'est pas ici. Là. Je n'ai rien ressenti. Mm-hmm. Dans tout ce qu'il y a là. Oui, mm-hmm. Il babadait. Il dit, venez avec une bouteille d'eau. On me donne l'eau. Alors que tu as acheté l'eau? Oui. Je bois l'eau. Pourquoi ça engloutit le piton qui est dedans là-bas? Alors que le piton habite dans le lac. Je bois l'eau. On prie. On me tape sur la tête. On pousse ma tête derrière. Tu vas derrière comme ça. Oui. Tu résistes. Tu ne tombes pas. Oui, je ne tombe pas. Je dis, parce que si tu tentes un peu au sol, là, on devait dire que. Si je tombe, on devait dire que voilà l'esprit du Seigneur. C'était intense souvent. Donc, c'est la sorcellerie là que tu veux faire sur moi. Pardon, fais ce que tu as fait moi avec. Mais avant ça, tu l'avais déjà vu à la télévision. Oui. Quand tu vois la télévision, tu pensais quoi? Je disais que c'était vrai. Maintenant, quand tu allais là-bas. Mais quand je suis arrivé, quand tu as su ça, oui, j'ai dit que le type, c'est vraiment là. On lui dit que même que on est là, elle ne sait pas en elle, elle dit que c'est toi qui as. Mais on est là, il n'y a pas avec nous. Non, on lui dit que, au lieu de voir que c'est on est là qui est à la maison, qui ne sait pas, il vient dire que c'est toi qui as. Alors que depuis que tu refuses ça. Ma voisine dit qu'elle n'arrive même pas à accoucher. Elle dit justement, elle ne peut pas accoucher. Piton a plus que ses enfants. Mais, à cet instant, si que ça se passe, tu as déjà ta fille. Oui. Qui se trouve au village à ta maman. Oui, non, ma fille était dernière. Oui, ta fille était dernière. Ah, oui. Ta grand-mère, uh-huh. Puisque dans la première partie, tu nous as dit que tu avais un enfant et que ton père voulait le placer. Elle était dernière. Et là, maintenant, c'est la voisine, comme la voisine a pris ce que le garçon a dit, uh-huh. Pour dire qu'amène là-bas, elle n'accouche pas. Uh-huh. On a cru que tu avais un problème d'accouchement. Uh-huh. Et là, maintenant, on dit maintenant que c'est le piton qui a mangé tous tes œufs. Oui, je ne peux plus accoucher, je ne peux plus avoir d'enfant tant qu'on ne me délivre pas du piton. Là. Oui, on ne voit pas que tu es là pour aller satisfaire la convoitise charnelle d'un garçon qui ne t'a pas épousé la fornication. Oui. Avant, avançons. Bon, je suis restée là, on a prié. Oh oui, tu as bu l'eau. Oui, j'ai bu l'eau. Et le mouchoir, on a suivi, on a versé le mouchoir. On a pris le mouchoir, on a posé sur ma tête, posé sur mon ventre. Prier. En détail, ça se mettait là, il a enlevé la veste, il avait le micro. On a arrêté le micro pour lui. Uh-huh. Il criait. Toute la caméra était sur lui. Oui, on était sur nous. Comme il a les écrans, uh-huh. Comme moi-même, je regarde encore les écrans, je tu te vois. Je dis, Seigneur, c'est sûr, on va encore le faire. Je suis fatiguée. J'étais là, elle a prié. Après, elle a dit, va ma fille, tu es délivrée. Là, maintenant, tu n'es pas tombée. Non, je ne suis pas tombée. Elle a compris que si continue, c'est... Je ne suis pas tombée. Au nom du Dieu que je sais, tu es délivrée. Les gens disaient, amen, amen. J'étais là, tranquille, je l'ai regardée. Il me dit, va t'asseoir, arrête là. Il demande à mon gars qu'on m'arrête, que j'ai la voix, quoi, j'ai quoi. Je suis venue, je me suis assise, je n'ai même plus attendu qu'on finisse. Ça a été à ma voix, que va. Après, quelques personnes de chez lui, ne t'a approché. On a seulement dit que tu étais têtu. Non, c'est juste que peut-être on m'a dit, parce qu'on me dit, quand le culte est fini, cherche à rencontrer papa, parce qu'on l'appelle papa. C'est comme ça que moi, je n'ai même plus attendu que le culte est fini. Parce que tu connaissais déjà ce que c'était. Oui. C'est le commerce que tu as observé là-bas. Oui, il n'y a pas. Le jour-là même, il y a deux de ses fidèles qui l'ont offert deux voitures. Le jour-là même. Oui, une pour lui, une pour sa femme. Oui. Bon, et quand sa femme était venue aussi en enlevant le talon avec la crinière du lion. Bon. Elle me disait quoi? Elle priait au nom de Jésus. Bon, là, elle a mis Jésus. Oui, au nom du Dieu. Au nom du Dieu qu'on sert. Au nom du Dieu que je sers. Je te délivre au nom de Jésus. Je t'ai dit. Donc, on a prié. J'étais là. Même, c'est juste que les pieds me faisaient déjà mal. Parce que tu étais debout. Oui, j'étais debout. Oui. Ça pourrait faire comme ça. Tu t'écroules comme ça. On croit que c'est ça. Les pieds ont commencé à me faire mal. Donc, je changeais un peu de position. Je prends comme ça. Je prends. On dit que c'est le serpent qui bouge comme ça. À un moment, on a compris que non, celle-ci. Va ma fille, tu es délivré. Ok, maintenant, quand tu sors, quand le culte finit. Je n'ai même pas attendu. Ok, tu es parti avant que le culte finisse. Quand tu sors, tes personnes t'ont arrêté. Non. Ta voisine t'a. Moi, elle dit à ma voisine que j'ai parlé. Elle me dit, tu ne peux pas rencontrer papa. Je dis, ok, pardon. Et voilà, maintenant, quand tu es rentré, quel était le compte rendu de ta voisine et de ton garçon? Non, on l'a délivré. Elle a été délivrée. Donc maintenant, ça va. Déjà, on a dit qu'elle doit boire l'eau là. Puisqu'il est parti. Je suis allée sur mail, aller prendre deux palettes. Il allait prendre deux palettes. L'église face au commerce. Donc là maintenant, ça, il est ton petit ami. Comme on a dit que désormais, il faut que tu boives l'eau là. Oui, pour que ça nettoie le reste des déchets des pitons là. Il a porté ses propres pieds. Oui. Aller chercher à son match. C'était plutôt deux palettes. C'était deux palettes. Venir poser à la maison. Donc quand l'eau finissait, on partait encore acheter. Oui, donc tu buvais, ça vous forniquait. Non, n'en ai pas honte de dire. Puisque il ne peut pas te faire boire l'eau sans travailler, n'est-ce pas ma soeur là? Oui. Vous forniquez dans l'optique d'avoir l'enfant. Et ta voisine qui est chercheur à son bas savait que c'était ta petite amie. Et quoi qu'il faut qu'on arrête le témoin à ce niveau, c'est parce que c'est grave. Avant que tu ne me sois encore une autre carte, on peut arrêter maintenant, on peut arrêter aujourd'hui. Mais ceci ne doit pas te faire que tu crois que si les gens prennent le nom de Jésus pour le commerce, c'est tout le monde qui le fait. D'accord? Le nom de Jésus est puissant. Et toi, tu as expérimenté. Tu as fait, on t'a giflé dans le miroir, tu as compris. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Je crois que la prochaine séance, ce sera la prière pour toi. Et là, tu vas voir la difficulté. Tu verras certainement la différence. Tu sauras qu'il y a une différence entre le nom de Jésus-Christ et le nom de Dieu que quelqu'un sait. Donc maintenant, on a dit que là-bas c'est va et raconte. Et tu allais raconter ta part. Maintenant, avec le recul, quand tu vois les gens témoigner à la télévision, tu penses que c'est quoi? Non, elle m'a dit qu'on paye ces gens-là. Qu'on les paye? Oui. Pour qu'ils font comme ça? Oui, des faux témoignages. Elle m'a dit qu'on les paye. Que le Seigneur les pardonne, n'est-ce pas? Donc, sur ce, on va se rencontrer dans la prière. Vous avez lu les livres dans le jeûne que j'ai donné là? Oui, j'ai fini aussi. Ok. Maintenant, va te reposer. Quand tu vas te reposer, tu te mets à genoux dans ta chambre là-bas. Tu pries, tu demandes, passe le temps seulement en demandant pardon à Dieu pour cette mauvaise vie que tu as menée, d'accord? Vas-y, que le Seigneur te bénisse.